Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Gabriel Béo nous donnera envie d'aller voir de l'impro cette année en allant dans les quiz de la huître. Et on se donnera des envies d'achat discutables dans Sexisme, ça ne devrait pas en là. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Il semblait aussi que quelqu'un avait mis les volumes dans le fond encore. Ouais, il me semblait aussi que ça sonnait fort dans mes oreilles. Il y a quelqu'un, à un moment donné, des fois, qui touche à tous les boutons, puis qui met ça à 100%, puis après ça, on a l'air de crier, puis je devrais vérifier le matin, mais je l'oublie. Bref, bonjour, bienvenue à l'Assemblage requis, hein, en ce mercredi 21 septembre 2016. On est à, Colin, un petit 218 jours de la fin de l'année scolaire. On 2016. Voit la fin arriver. Ah, absolument. Ah, moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On t'en dit les studios de ces fois à Trois-Rivières. C'est sur notre chanson thème de Valesse Pariétaire, remaniée par Renard Frac, qui débute aujourd'hui. Tu vas bien, Tania? Ça va bien. Ça va fatigué, tu sais? Oui. Ça va milieu de semaine, bien évidemment. Absolument. On le sait, il y a comme un... Je veux pas dire un relâchement. Au contraire, il y a pas de relâchement au niveau de l'équipe d'assemblage requis. On est très excités pareil. Et voilà, mais il y a un creux le mercredi matin. Ouais. Ben, je l'appelais à l'époque le mercredi. Oui, ben oui, voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Certains disent le hump day, le jour de la bosse qu'il faut passer par-dessus. Moi, je trouve que c'est pas une bosse, c'est plus un creux qu'il faut descendre dedans et essayer de remonter après ça. Tu sais, c'est le genre de matin où tu fais des choix existentiels comme rester plus longtemps au lit ou prendre plus de temps pour déjeuner. Et le mardi soir compte aussi là-dedans parce que j'ai choqué totalement l'impro hier. Il y avait le quart de recrutement, deuxième jour. C'est vrai! Et le dévoilement des joueurs, j'ai choqué ça bien raide. T'as dormi? J'ai dormi à la place, oui. Ah, t'as bien fait. Ouais, ben sinon j'aurais dormi un 3h30, puis je pense que c'est pas assez pour moi. Hein? Je dors 5h en ce moment et c'est toujours pas assez, tu sais. Ouais, tu vois, j'ai dormi 5h. Ouais, pas mal 5h. Hier soir, puis pas facile le matin. Pas facile, mais c'est pas grave parce que, je dis c'est pas grave pour la lutte, parce qu'on devrait avoir à 8h30 dans les coulisses de la lutte avec Gabriel Béoud. Ta chronique à toi s'en vient en fin d'émission aujourd'hui à 9h. Tanias Galin-Jutenia, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler d'une autre sorte de tatou que pas nécessairement tout le monde connaît. Ah, bon, ben... C'est tu ça. Laisses languir, comme toujours. C'est le mercredi, c'est des petits sujets plus légers. Exactement, et parlant de mercredi, ben c'est notre classique du mercredi. On a un classique par jour, vous le savez, les chroniques qu'on se fait habituellement et qu'on ne peut pas faire. Donc, le mercredi, c'est, ça existe, mais ça ne devrait pas être là. On va s'acheter des gadgets sur Internet et on va le regretter les instants suivants. Hein? Je suis en train de magasiner quelque chose sur mon téléphone depuis que je me suis levé ce matin, en plus. Fait que c'est la journée sur pour ça. Sur ton téléphone ou ton téléphone? Sur parce mon téléphone. Parce qu'on sait aussi que Mathieu est accro au nouveau iPhone qui vont sortir comme dans la minute tout de suite après que ça sorte. C'est ça. Ils sont déjà sortis, mais ils sont pas disponibles. C'est ça l'affaire, c'est ça, hein? Ouais. Mais oui, ça, je sais déjà que je le veux, fait que je le magasine plus. Hein? Ah, voilà. Le genre, je me suis fait à l'idée que j'allais devoir acheter le gros modèle pour la bonne caméra. Parce que je suis une pute de luxe. Ah, voilà. Ah, non, c'est pas moi qui l'ai dit. Je magasine un sac à dos, je suis allé du mini trop gros. Ah, un sac à dos de juste pour portable ou mettre ma veste de pluie, tu sais, des trucs comme ça. Je suis allé traîner ça dans mes mains. Hier, j'ai fait 2 heures de marche aller-retour pour aller au foutu bureau de poste qui est beaucoup trop loin. Et j'avais mes affaires dans mes mains. Là, j'étais comme, je suis allé transporter ça. Fait que ce matin, j'ai ressorti mon sac à dos. Puis je le trouve pesant même quand il est vite. Ça va pas bien dans ça, là. Ça aide pas nécessairement la marche. Absolument pas. Maintenant, t'es au courant de ma vie personnelle. De fond en comble. De plus, encore plus, oui, c'est ça. Voilà. Comme si tu me connaissais pas assez. On est allé dans les détails. On est rendu hier, on est allé dans les détails dans le palmarès, c'est fou. Ouais, mais ça, c'était en onde. Oui, en onde, exactement. T'es allé encore plus loin. C'est vrai. Ne pensez pas des choses ce matin. Donc, ça existe, ça devrait répondre là, dans quelques instants. On a fait assez d'intro pour l'émission d'aujourd'hui. Caroline, 3 minutes, moi je trouve ça en masse. Là, on fera pas des 20 minutes d'intro. Donc, pour commencer l'émission, aujourd'hui, on a une pièce calme des palmarès. Même si on s'est excité avec l'intro, là. Cette intro-là est vraiment beatée à me mettre dedans, comme c'est pas possible. C'est ça l'affaire. Ouais, je sais. Mais après ça, on doit redescendre un petit peu. Donc, allons-y tranquillement. Allons entendre les passagers avec la pièce « Te retrouver ». Assemblage Rocky. Au 89 FM. C'est fou. Passager, la pièce de retrouver. C'est calme, ça commence l'émission tranquillement. Ben oui. On aime ça. On s'est dit qu'on n'allait pas vous mettre du métal dans les oreilles pendant que vous buvez votre café. On essaie de ne pas. On veut pas nécessairement vous ébouillanter le matin. Voilà. Ce qui est difficile des fois, c'est d'en prérequis entre 6h30 et 7h30. Oui. Au bout de l'émission d'hier, des fois, ça pourrait arriver qu'il y ait une chanson un petit peu plus intense. Mais habituellement, c'est ta chronique, Tania is gonna te génia. Puis d'habitude, la chronique est quand même assez. Quand même. Sympathique. Donc, voilà. Toujours assemblage requis. Et puis maintenant, on est mercredi. Et en plein milieu de la semaine, c'est le moment où les envies de dépenser pour la fin de semaine à venir arrivent. Donc, pour ça, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets à acheter sur Internet, bien sûr. Toujours en dollars américains avec le shipping. Ça finit tout le temps par coûter cher. Mais une fois par chronique, je pense qu'il y a un article qu'on veut. Mm-hmm. Puis on finit par pas l'acheter parce qu'on l'oublie. C'est... Ouais, t'as raison. Je pense que j'ai pas acheté grand-chose dans la chronique jusqu'à maintenant parce que je finis par l'oublier. Il y en a trop. C'est ça l'affaire. Ouais, il y en a trop. Mais bon, c'est comme ça, la chronique elle-même, que voulez-vous. Commençons par des luminaires. Tu sais, c'est beau des luminaires, c'est classe, ça ajoute un petit peu de style à une maison. Bon. Oui, oui, en temps normal. Pas dans ce cas-ci, par contre. Ah parce non? que ce sont des cuvettes de toilettes qui servent de chandelier. Hein, c'est pas mignon, ça. C'est le Toilet Chandelier. Hein? Du upcycler, ça, c'est un recycleur qui essaie de faire des choses qui sont différentes de ce que ça servait, ce à quoi ouais. ça servait avant. Donc, un gars qui réutilise, réduit et upcycle, c'est Rodney Allen Trice, avec 7 bols de toilettes identiques. Qui héberge donc de grosses ampoules. C'est un genre, c'est des toilettes sans leur couvercle. Hein? Et on voit quand même le bas, le truc qui va dans le plancher, qui est lui au plafond. Hein? Oui. Et tout ça attaché avec des chaînes. Et t'as des luminaires à l'intérieur de chaque bol. Il n'y a rien de plus facile à s'imaginer dans votre tête que ça. C'est quand même beau, ça fait industriel. Oui, parce que ça n'a pas l'air d'une toilette, surtout qu'il n'y a plus des toilettes... nouveau genre. Oui, exactement. Celles qui sont plus... étroites. Qui avancent plus, ouais, plus étroites, mais qui avancent plus vers le devant pour pas que ton zuzui touche au devant du... Un peu comme dans les aéroports. Comme dans les aéroports. Et à plusieurs endroits, en effet, je trouve que c'est quand même à la mode. J'aime bien la mode des toilettes de nos jours qui sont, comme je disais, un petit peu plus longues, mais aussi avec un couvercle avec une poignée. On a ça dans une toilette des gars. Ah, oui. Il y a trois toilettes. Je sais que vous autres... Il y en a une dans les toilettes des filles aussi. Ah oui, ben c'est parce qu'il y a un couvercle qui a cassé dans chacune des toilettes. OK. Quelqu'un a arraché le couvercle et a cassé. Fait qu'ils l'ont remplacé par des nouveaux couvercles. Ah. Et ceux-là ont des poignées. Vous avez des couvercles ouais. des toilettes, vous? Non, des... Les rebords. Rebords, comment t'appelles ça? Pas la loupe... Les bords, là. Les bords de cuvette. Le truc sur lequel tu t'assois directement, là. Ah, d'accord. Voilà, avec une petite poignée. Voilà. Bref, c'est assez parlé de toilettes, hein? En fait, il y a pas mal de choses dans les toilettes des filles, mais ça, on y reviendra. On a déjà parlé pas mal au palmarès. Ouais. C'est fou cette semaine. Justement, je disais que c'était fini pour les toilettes, mais non, c'est pas fini pour les toilettes parce qu'on s'en va avec un autre chandelier de pénis. Hey boy! Un chandelier en forme de pipi, bien sûr. Je dirais que c'est un petit peu des. C'est un peu brillant, on dirait des bijoux du bling-bling qui a été utilisé pour faire ça. Clairement, ce sont des bijoux. Ouais. Et des bijoux de famille. Et voilà. C'est ça. Donc, on a fait deux grosses sphères qui vont en haut, un cylindre en bas et une autre sphère, mais un petit peu plus allongée en forme de gland. Voilà. Donc, c'est Hans van Bentum de chez Rock'n'Royal qui a fabriqué ce chandelier en forme de pipi. Mais évidemment, on peut pas l'acheter. Hein. Malheureusement. Ah non, comment ça? On pourrait s'en faire un soi-même. Ouais. S'en faire un. Faut que tu sois déterminé et ouais. que tu aimes beaucoup ça. C'est un producteur d'art qui l'a fait. Ah, voilà. Ensuite, pour amener le bar dans votre cour arrière avec un pub irlandais gonflable. Ah, c'est cool, ça. C'est le Palais Wagon Inflatable Irish Pub. Complètement pas nécessaire, mais complètement amusant quand même. Une fois rentré à l'intérieur, tu vois que ça ressemble à un bar, mais en balloon, en genre de plastique, peu importe ce que c'est. On voit même qu'il y a un foyer avec de la brique. De la brique pas mal tout le tour, en fait, de ce bar-là. Sauf certaines sections qui sont comme un genre de verre forêt. Et pour agrémenter le décor, il a ajouté des tables pliantes pour mettre un buffet, un gros baril comme pour de la bière ou du vin, j'imagine du vin plus. Puis ça fait que les gens peuvent pénétrer à l'intérieur. C'est pas magnifique, ça. C'est super, honnêtement. Ouais. Et celui-là, on peut l'acheter, ça s'appelle thepaddywagonpub.com. Ah, cool! Paddywagon Inflatable. C'est bien disparu. On va aller voir sur le site, voir sur la section acheter, voir qu'est-ce que ça nous dit sur notre joli internet. Hey, parlant d'Internet, j'ai déterminé pourquoi l'imprimante ne marchait pas au bureau hier. Ah oui? C'est le réseau, parce que je suis pas capable d'aller sur le réseau sur l'ordi voilà. du boss. Pendant qu'on parle de ça, tu sais, fait la bague que je dise quelque chose pendant que ça load, hein? Mais je vois pas de... Je vois pas tellement de... Je pense que c'est un truc à louer. Tu dois louer. Ouais, il faut que tu te fasses un estimé, donc tu fais Inquire Now, et puis là, ben, tu peux demander à ce qu'ils viennent à un party. C'est 30 par 30 pieds, le truc, voilà. Et là, tu remplis un formulaire pour avoir le prix. Voilà, pour le nombre de jours. Ensuite... C'est un selfie stick, mais pour prendre des photos de l'intérieur de toi-même. C'est dégueulasse. Ah ouais. Donc, Firebox vend le Inner Selfie Stick pour 40$ pour prendre des photos de ton intérieur. Donc, la description du produit dit que la caméra vous donne une image à 360 degrés de tout ce qu'il y a dedans de vous. J'imagine, peu importe par l'orifice que tu veux. Et ici, on a des photos beaucoup trop précises. Explicite, ouais. Explicite, oui, j'aime le mot, de ses, son intérieur, de son... ouais, c'est ça, j'imagine que c'est son... Son, ouais. 40$ américains pour acheter ça. C'est dégueulasse, je dis non. C'est au bout d'un long tuyau métallique. avec un bout aussi métallique. En tout cas, ça a l'air métallique. OK, mon ORL me rentre une caméra dans le nez minimum, comme une fois par deux mois, mettons. Je suis persuadée que c'est la même chose. Ouais. Est-ce que c'est plus mou, plus flexible dans ton nez? Est-ce que ça va loin? C'est plus petit, là, ouais. C'est beaucoup plus petit. Ça n'a pas l'air d'aller très loin dans ton nez, ça. Non, en effet, moi, ça descend jusque dans la gorge. Ça ressemble à un genre de, je dirais, peut-être la grosseur de petit rouge à lèvres, mettons. Hein. Peut-être ouais, un non, c'est beaucoup plus ouais. petit que ça, là. C'est ça. Bref, c'est ça. Ça existe, hein. Ensuite, une tente, un hamac, un sac de couchage, un matelas gonflable. Qu'est-ce que ça a en commun? C'est ça. Qu'est-ce que ça a en commun? Le lien commun entre tout ça. C'est le fun. Camping? Le camping, peut-être. Oui, en effet. Mais imagine si tu peux avoir tout ça en un seul. Ouh! Gadget, ça s'appelle le Crua Hybrid. C'est donc une tente, un hamac, un matelas gonflable et un sleeping bag, oui. Ça le couchage en même temps, en combo. Parfait pour le camping. Pour 269 $ américains, la limite de poids... En tant que hamac, il est de 285 livres, ce qui est quand même pas si mal, mais peut-être pas pour deux personnes, donc une ouais. personne à la fois. Design multicouche, ça respire bien, nous dit-on. Il y a de l'aluminium aircraft grade, donc comme dans les avions. Connectabilité, ça peut être connecté. Mm-hmm. À quoi, je ne sais pas, ça ne le dit pas. Et c'est à l'épreuve de l'eau. Connecté à quoi? À ton cellulaire? Peut-être. Pour faire quoi? C'est pas écrit dans l'article, ça manque de détails. Le charger, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je pense pas que ce soit genre, t'appuies sur ton téléphone pis ça fait hop, mode hamac, mode tente, pas sûr. Ouais, je penserais pas. Sur la vidéo, on a des détails, on va aller voir un petit peu. Ben, on voit vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Ouais, on voit pas le chargement. Ah, une charge de 285 livres si vous oui. en faites un hamac. Ça, je l'ai dit tantôt. Ouais. Ah, c'est ouais. ça. Ouais. Bref, c'est le Crua Hybrid, tente, hamac, sac de couchage et matelas gonflable. Ensuite, un autre produit, un peu, pas dans le même domaine du tout, là, mais c'est vrai que j'imagine mal une personne faire du camping et porter ça en même temps. Tu t'as dit connecté tout à l'heure? Ouais, tu t'es demandé connecté ouais. à quoi? Tu peux en connecter deux ensemble. Niaise. Tu peux les rejoindre, ça va vous faire un double. C'est ça, l'icône connectable? Oui. Je suis un peu déçu. Ouais, moi avec. Ça va faire un lit double, ouais. Même si c'est connecté, t'sais, pas, ça il aurait pu marquer genre joinable ou quelque chose de même au lieu de connectable. Faux, c'est faux. C'est mensonger. Donc, quelqu'un qui va faire du camping ne porterait probablement pas ça. Il me semble, je l'imagine pas. En tout cas, c'est un fedora, donc un chapeau en fibre de carbone. OK, pourquoi? Coûte 200 $. Je sais pas pourquoi, mais ça pourrait être à la mode. Donc, c'est fait de woven carbon fiber, fibre de carbone tissé. C'est hipster à la tonne, à l'extrême. On a tous un ami qui, au secondaire, portait ça. Les jeunes, j'ai vu un jeune au McDonald's hier, en mangeant mon McWrap au Chili Doux. Il avait un chapeau comme ça, il avait comme probablement 10 ans. Je disais, Crip, t'as de l'attitude. Ouais. T'as de l'attitude. Mais bon, ensuite, est-ce que t'as déjà rêvé d'être dans Star Trek? Dans Star Trek directement, non. Dans l'espace, oui. Oui, dans une émission de science-fiction, ouais. quelque chose. Je sais pas, on dirait que ton habillement aujourd'hui, t'as une chemise bleue, poudre très pâle, pastel. Qui te fait penser à Star Trek? Ben, un petit peu, parce que t'as le col et les boutons en genre de cuir noir. Oui. Et avec tes lunettes. Je trouve oui. que t'as l'air un peu Star Trek. T'as l'air d'une commandante Uhura. OK. Genre. C'est vrai. Donc, tu pourrais porter, parce que pour vrai, sur la photo, sur l'article, avoue que c'est le même genre de couleur. Oui, c'est vrai. Sur assemblagerequis.com, si vous voulez suivre. Donc, c'est un badge de communication, comme dans Star Trek. C'est le Communicator Badge de Star Trek Nouvelle Génération, là, The Next Generation, pour la version d'origine. OK. Qui va sortir sur TGeek en novembre pour 80 $. Chaque badge Bluetooth a un microphone interne qui permet à l'utilisateur de répondre et de raccrocher au téléphone en appuyant sur l'insigne. Et ça fait le petit son, pareil, comme dans Star Trek, du chirp-chirp d'oiseau, là, style. Donc, une fois connecté, tu peux appeler... pas appeler. Répondre et raccrocher. Tu peux pas composer un numéro de téléphone avec. OK. C'est pas Siri, là. Non, c'est ça. Play pause pour... Ah, t'as un peu! Oui, peux accéder à Siri? Siri. Hey, lis des articles plus proches de ton émission à place de les lire deux semaines avant. Donc, oui, tu peux aller sur Siri. Tu peux faire play pause sur ton audio. Tu peux même accéder à Google Now et Cortana. Ça joue, comme je disais, l'effet sonore du communicator. Ça dit qu'il faut garder tout le temps un fil micro-USB pour le recharger parce que sinon tu vas t'ennuyer de ton petit son. Quand même. Voilà, donc c'est le Star Trek Next Generation Bluetooth Com Badge sur Tingy, 80 $ américains. Ensuite, on a parlé de sommeil tantôt, on a parlé de tente, de hamac. Maintenant, c'est un sac de couchage portable. Hey boy! Avec des trous pour les jambes et pour les bras. Je dis non. Tu dis non à la maison, peut-être. Ouais, sur un divan peut-être, là, un mais. Party pyjama avec le ça. Gars, il a l'air zéro content de le porter ouais. en passant. Absolument. Je sais pas. il a l'air de porter une veste, comment t'appelles ça, qui tient les bras là, dans le dos, là. Ah oui. Chandail de foyer. De force. Là. Ouais, ça, c'est de force. Chemise de force. En tout cas, on sait ce que ça veut dire, parce que les doigts, il a les mains dans le dos dans la première photo. Mais sinon, on voit que ses bras sortent sur le côté et que ses jambes sortent en bas. La première photo, c'est celui où il est en mode cocon, je pense. Hey boy. Le mode cocon. Ouais. Donc c'est le knapsack, un sac de couchage. Sac, oui, couche. Ouais, pourquoi j'ai de la misère à dire sac de couchage aujourd'hui? Je sais pas. Portable, avec des zips sur les bras et sur les jambes. Ça coûte 135$, disponible en plusieurs couleurs, plusieurs patterns. Pas trop cher, 135$ pour un sac de couchage quand même. Le knapsack par la compagnie Polar, P-O-L-E-R. Simple. Ouais. Efficace. Quand tu cuisines, Tania, des fois, t'as, mettons, tu fais cuire du bacon, je sais pas trop quoi, ou tu fais cuire des pâtes, peu importe, avec du lait, mettons. Et là, oui. ben, tout finit par sortir avec la bouchée partout. La sauce et spaghetti, oui. mettons. Sauce oui. et spaghetti. T'en as partout sur ton, sur tes ronds de pointe. Oui, c'est oui, pas oui. le fun. Donc, prépare ta nourriture préférée et même ta nourriture peut-être frite comme du bacon, sans le risque de brûler ta peau avec de l'huile chaude mm-hmm. en utilisant le frying pan splatter guard. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cône, je te dirais. Un cône, mais sans le bas. Donc, c'est fait un peu comme un collier élisabétain qui appelle pour les chats et les oui. chiens, pour les empêcher de se gratter, puis choses comme ça. De plastique, de silicone, en fait, et ça va sur votre poêlon ou votre... votre chaudron, et ça peut résister à des températures jusqu'à 450 degrés Fahrenheit. Donc ça crée vraiment un cône ou un... Pas un... c'est quoi l'affaire, là? Ce mot-là m'échappe à chaque fois que je vais l'utiliser, mais le truc qui est comme en cône, mais qui va, pour mettons, transiter quelque chose dans une bouteille. Le oh mon Dieu, je l'ai-tu au bout de la langue? Ouais, je regarde. Sais, je l'ai tout le temps. Un entonnoir. Un entonnoir, je suis pas capable de le retenir, ce mot-là. Donc ça ressemble à un entonnoir, mais en moins... profond. Hein? Oui. Pour $22 américains, c'est un projet Kickstarter. Malheureusement, ça s'appelle le Frywall. Donc, leur slogan est Splatter Resolved. Donc, les éclaboussures résolues. Tu sais, c'est le genre de choses que tu trouverais chez Stowe. Absolument, mais ça existe apparemment pas parce qu'on a dû faire un Kickstarter. Tristesse. Ah, celui-là est extraordinaire. Ça fait le tour de pas mal tous les blogs de gadgets que je suis. Je dois en suivre, je sais pas, une vingtaine de blogs de gadgets pour faire cette chronique-là. Et celui-là était sur chacun d'entre eux parce que c'est trop bon. C'est pour ne pas manquer une seconde de manquer une seconde. Un infinitif, Tania? Manquer de pas une manquer seconde. Une seconde. Donc, de votre émission de télé préférée, quand vous buvez votre bière avec une bière qui est faite exprès pour aller une fente sur le côté. Ça s'appelle la TV Beer Mug. C'est une tasse de plastique avec le dessus, le haut de la tasse qui est coupé à un angle. Pourquoi? Ben, c'est que quand vous buvez, vous allez amener la tasse à votre bouche et le bout de la du bug de bière est en angle, fait que vous n'allez pas manquer ce qui se passe à l'écran, oh, tu comprends? Parce que t'as tout le temps la tasse dans la face quand tu prends de la bière ou peu importe le breuvage dans une tasse. Donc maintenant, le problème est réglé. Ça dit que c'est seulement pour les droitiers, donc ceux qui boivent leur bière. J'avoue que je peux comprendre, quand tu prends ta tasse du côté droit, la fente est du côté opposé à toi. Oui. Alors que quand t'es gaucher, la fente serait du bord où tu bois, fait que tu pourrais pas boire. On se comprend là-dessus. Tu pourrais, mais t'aurais quand même la tasse dans les yeux. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, moi, en tant que tel, je l'ai dit une couple de fois à l'émission, mais je suis droitier, mm-hmm. Mais je bois de la main gauche. C'est vrai, Mathieu, il est du style très, très ambidex. Ouais, ça dépend. Hier, j'ai dû écrire de la main droite parce que ma main gauche était utilisée. À pire quoi? Décision ever. Ah, oui. Ah, tu vas parler tantôt dans ta chronique pourquoi oui. elle était utilisée. Alors ça, c'est un petit peu agace pour les gens qui écoutent cette chronique en rediffusion dans Prérequis et que ce ne sera pas nécessairement suivi par ta chronique voilà. de Tania Ganache-Tenia. Ah, c'était à vous d'être en nom ben, voilà. mercredi matin. Écoutez toute la semaine et entre voilà. 6h30 et 9h30. Bref, donc c'est pour les droitiers seulement et puis ça coûte $11 américains. Bon. Ensuite, des sandales. Est-ce que tu portes des sandales? Pas présentement. Je te demande dans la vie en général. OK. Comme par exemple en été. Oui. Oui. Bon, ben tu pourrais peut-être... Si t'as le problème, une fois de temps en temps, de traîner ton argent dans tes poches. Tu sais, les filles ont souvent pas de oui. poche de jeans ou de pantalon ou de jupe, peu importe. Mais t'as des sandales, c'est tout ce que t'as en fait. Surtout à part une brassière, des bobettes, où tu pourrais mettre ton argent ou tes cartes de crédit. Ouais, mais pas sûr qu'il y a de la monnaie dans les bobettes, c'est super le fun. Pas sûr, il y en a qui mettent leur argent dans la brassière, tu sais, là, puis ils donnent ça aux dépendants. Ça, là, on faisait ça dans les premiers temps qu'on sortait. C'est dégueulasse, sérieux. Tu sais, là, tu sortais ton 5$. Semi-moite parce que t'arrivais de la piste dedans. Mais il y a des dépanneurs ou des endroits publics qui refusent les billets qui sont détrempés de soir. Pour vrai? Ben oui. Y en a qui disent qu'ils n'ont pas le droit, mais tu sais. Ouais. J'ai vu ça sur Spotted Client de Marble, la page okay, Facebook ouais. que je préfère au monde entier. En tout cas. Donc, gardez vos trucs qui ont de la valeur en sécurité à la plage ou peu importe où vous portez vos sandales avec les Secret Stash Flip-Flops. C'est fait de matériaux synthétiques durables avec un petit compartiment caché dans la semelle qui est juste assez pour mettre carte de crédit et argent. Donc, sur le côté de la sandale, tu auras une fente et dans la fente, tu insères ça. C'est un rabat. Donc, ça revient à la forme d'une sandale. Donc, ça paraît pas que il n'y a pas une fente où tu vois de l'argent au travers. OK, phew. Donc, c'est un petit rabat sur le côté. À 25$ sur Amazon.com. Ça dit, évidemment, sandale pour femmes. Mais en tant que tel, on voit que c'est une forme de sandale traditionnelle. Je vois pas pourquoi c'est seulement pour femmes. Couleur traditionnelle aussi. Là. C'est violet, bleu, genre. Tout le monde peut porter ça. Violet. Bon. Ouais, ça dit violet, bleu. Comme plutôt vert, là, présentement? Ah oui, ben, je suis allé sur la page Amazon, t'as raison. Okay. Sur la page Amazon, c'était violet bleu. Sur la page thisiswhyimbroke.com, c'est vert. Mathieu, il faut qu'on discute de tes couleurs, là. En fait, il faut qu'on discute de mes couleurs parce que j'ai un problème avec ça, mais pas dans ce cas-ci. Voilà. Ça explique pas ce cas-ci précis. Ensuite, on a déjà parlé d'une machine distributrice de Jelly Bean. Est-ce qu'on a parlé de celle-là précisément? Oui. D'accord, j'en parle quand même parce que j'ai abordé le sujet, mais c'est une grosse machine à Jelly Bean avec des distributeurs 1, 2, 3, 4, 5. Et puis tu peux mettre, t'appuies sur un bouton et puis ça te distribue une portion de Jelly Bean. Pour seulement 10 000$. Seulement 10 000$. Honnêtement, je me rappelle pas l'avoir fait, mais je te fais confiance. Ensuite, si vous faites de la moto une fois de temps en temps que vous voulez aller voir, vous voulez avoir l'air un petit peu plus viril. Viril, malade. Pour les gars ou pour les filles, ça peut être viril voulant dire tough, mettons, dans ce cas-ci. On se comprend ça? Oui. Viril voudrait dire masculin, hein? Ouais. Donc, est-ce que vous voulez aller voir... Avoir l'air dur. Avoir l'air dur et tough et heavy duty, comme une laveuse sécheuse. Oui, oui. Donc, c'est le Halo Master Chief Motorcycle Helmet. Évidemment, le casque de Master Chief dans Halo, la série de jeux vidéo. Hein? Donc, transformez-vous en Master Chief dans le la gars, rue. Le gars, il est vraiment transformé de A à Z. Ah oui, mais le gars, il s'est donné. Là, il est allé acheter un costume complet. Là. C'est pas ça que vous allez avoir. Vous allez avoir juste le casque, vous autres. Donc, approuvé par Dot hein, dans le jeu Halo. Donc, c'est... Il y a un mécanisme d'ouverture qui est parfait pour aller avec vos gants. Donc, si vous portez des gants quand vous faites de la moto, vous pouvez quand même ouvrir le casque, ce qui est quand même sympathique. Et vous pouvez aussi, il y a des aérations pour pouvoir respirer correctement. Et pour réduire aussi la buée dans votre viseur. J'aime beaucoup le fait qu'il y a une vidéo promotionnelle, puis ce sont tous des gars qui capotent quand ils le voient. Ouais, moi, pour vrai, c'est le genre de truc sexiste un peu, là. J'aime pas tant ça, mais bon. Ben, ça dépend, parce que si, tu sais, il y a des filles qui jouent à Halo, là. Ouais. J'ai déjà joué à Halo. Tu peux porter un casque pareil. Je me suis fait tuer dans les 3 premières secondes, ça mais... Ça pareil. Écoute, ça fonctionne. Voilà. Mais ça serait fou de porter ça. C'est malade. 587$ américains, c'est quand même cher. C'est sur Amazon, encore une fois. Ensuite, les toiles d'araignée. Nous, dans le studio, OK, tranche de vie du studio, c'est fou. Il y a une araignée dans la fenêtre depuis 2 semaines. Oui, c'est dégueulasse. Puis elle se promène. Tu sais, comme elle reste jamais vraiment à la même place. Moi, je la vois pas d'où je suis placé, mais Tania et les chroniqueurs, habituellement, les voient, la voient. Et là, ça fait peur un peu. J'espère juste qu'elle reste à l'extérieur. Si on voulait vraiment peut-être s'en débarrasser, on pourrait utiliser ce fusil à faire des toiles d'araignée pour peut-être... l'inciter à aller se promener ailleurs. Ooh, tu comprends? Bonne idée. Ou encore pour l'Halloween. Un des deux. Oui. Un des deux. Donc, pour que votre manoir ait l'air particulièrement épeurant, c'est le Spiderweb Casting Gun. Ça s'attache à n'importe quel aspirateur, genre Shop Vac. Mm-hmm. C'est toi avec un gros tuyau, là, avec une hausse de 1,25 pouces, là, les Heavy Duty, avec des cartouches. C'est un système de refil, de recharge en bâtonnet, cartouche pratique. Et ça peut envoyer environ 1,5 livre de toile par heure. Okay. Pour 30$ américains. Ça fait beau dans une maison, là. Pour l'Halloween, c'est vraiment parfait. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et pas trop cher, 30$, j'aime ça. Ensuite, un sled, comme on l'appelle des fois, tu sais, quand l'hiver, tu vas faire du sled sur la neige. Oui. Pas de la crazy carpet, là, mais Un mini-luge en plastique. Voilà, absolument. Des fois, je sais pas, l'été, tu pourrais peut-être te dire, j'aimerais ça en faire l'été aussi. Ben oui. Sur du gazon. Il y a des façons de glisser sur du gazon, quand Sauf même. Sauf que vous avez plus de chances de vous blesser voilà. que d'apprécier. Ben ici, c'est fait pour... Hein, c'est du sled à la longueur de l'année. C'est le All-Season Sled. C'est donc un sled à double mur, donc on appelle comme double épaisseur, si on veut. C'est une paire de blocs de glace enlevables, des moules à blocs de glace, OK? Qui vont s'attacher au-dessous du sled pour pouvoir glisser sur du gazon. Donc, ce qu'on en comprend, c'est que c'est des moules en plastique. Tu les remplis d'eau. Tu les fais congeler en congélateur. OK? Et après ça, tu viens les installer en dessous du sled. Okay. Et le slip va glisser plus facilement sur le gazon parce que c'est de la glace. Ah ouais! C'est fort, hein? Moi, je trouve ça vraiment intelligent. 90$, je sais pas si ton congélateur est assez grand pour les plaques. Je sais pas, hein? Mais 90$ pour l'essayer, peut-être vous acheter un meilleur congélateur plus gros. On sait pas. Bref, cool et les photos ont l'air amusantes. Voilà. Ensuite, c'est un coupe-bouteille. Si vous avez des bouteilles de vitre, oui. Peu importe la marque, et vous voulez en faire un verre, vous voulez recycler, vous voulez faire du upcycling comme le gars au début de la chronique, pour changer n'importe quelle bouteille de vitre en un petit verre à boire, évidemment avec les bouts arrondis et tout ça pour pas vous que ça saigne de partout. Donc c'est fait pour couper des bouteilles entre 43 et 102 mm et ça tient fermement pour ne pas glisser alors que vous tranchez la vitre. Ça s'appelle le Kinkajou. Ça coûte 50$ américains, c'est sur Amazon.com. Une lame peut faire 200 bouteilles et même plus. Il y a un papier sablé d'inclus pour finir le verre. Donc c'est pas la machine en tant que telle qui va faire le côté rond, c'est toi-même qui va choisir quelle rondeur tu veux. Ok. Et puis il y a des separation ties qui sont inclus pour aider à faire une meilleure séparation entre le bas du verre et le haut du verre. Ah. Et c'est simple à mettre dans une armoire et à sortir au moment approprié entre amis faire des bouteilles. Ça pourrait être une bonne petite soirée. Là. Ça fait quasiment, ça me fait penser au c'est quoi les activités, voyons. Évidemment, il fallait que je pense à ça pour pas le sortir. Les occupés. Les oui. activités des occupés. Alexandra Carignan. OK, oui, oui, oui. Et son ami, que je me rappelle pas son nom. Tristesse, on s'excuse. Ouais. Mathieu, je me souviens pas de toi. Je me rappelle plus. Pour vrai, c'est dans ma tête, mais à quelque part, à un endroit... Je retiens les choses inutiles, tu sais. OK, les choses utiles. C'est... Ah, pas tant que j'ai ce bout de la langue. Bon, allons-y avec le prochain gadget. C'est pour ramasser les feuilles. Oui? Mettre dans les sacs de poubelle. Boy, c'est pas petit, hein? C'est pas petit. souvent, quand t'as ramassé les feuilles, tu vas avoir besoin d'un râteau, peut-être un deuxième râteau, peut-être tes mains, peut-être un gros sac pour essayer de faire rentrer les feuilles dans le sac. Ça s'éparpille partout, t'as de la misère à les mettre, il en reste tout le temps une coupe. Là, tu te ramasses avec un leaf blower, là, un truc pour envoyer de l'air sur tes feuilles. Niaiseux, ça gaspille du courant, puis autre. Bref, il te faut les leaf scooper claws. C'est littéralement des... comme des pinces de Wolverine, genre. Ouais, ouais, ouais, pareil. Des grosses pattes en plastique. Tu rentres tes mains dedans avec des mitaines. Et tu peux prendre les feuilles avec ces mitaines-là. Puis t'amuser, puis tu peux les lancer dans les airs pour faire le party. Hein? Mm-hmm. Puis après ça, ben, t'es bien dans le sac. Donc, c'est des espèces de grosses pinces. Assez grosses pour faire fitter tes gants de travail. Et ça coûte 22$. À bientôt. Il nous en reste trois petits derniers. Commençons avec les Twig Pencils. C'est vraiment cool pour les gens qui sont un petit peu plus grano, je trouve. Ça fait, comment dire, hipster. Ouais, c'est ça. Hipster, grano, environnement, mais en même temps, tu utilises des arbres pour faire ça. Ouais, c'est ça, c'est pas tant environnemental. Ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais c'est des Twig Pencils, donc des crayons plomb avec des branches. Dans le fond, les branches sont eux-mêmes des crayons. C'est fait à la main à partir de branches de Tasmanie. OK. Comme le diable. Ben oui, Tasmanie. Parce qu'il vient... De Tasmanie. De Tasmanie. Et voilà, on l'appelle Tas, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est bien d'Australie et c'est un centre de graphite qui écrit aussi bien qu'un crayon normal parce que c'est la même mine qu'un crayon normal, fait qu'on on s'y attend. 16$ américains. Pour ça, c'est super beau, vraiment. Et tant qu'à avoir des branches partout par terre en Australie, il faut aussi bien faire des crayons avec. C'est vrai. Gaspille pas plus d'arbres. Non. En tant que tel, ça fait pas mourir un arbre d'enlever ses branches. Hein? T'as raison. Surtout si elles sont tombées par elles-mêmes. Et voilà. C'est à eux de rester là. C'est leur problème. Ensuite, un moniteur d'hydratation. Ah, OK. Des fois, tu trouves que tu bois pas assez d'eau, hein? Ça arrive? Oui, beaucoup trop de café, pas assez d'eau. Absolument. J'ai même parlé à l'émission ici de l'application Waterminder, qui vous dit à chaque quelques heures d'aller boire et que vous cochez le nombre de millilitres que vous avez bu à chaque fois et vous allez avoir votre pourcentage. Le même principe, cette fois-ci, mais dans un bracelet. Hein? Mm-hmm. Donc, l'hydratation est une partie très importante de la bonne santé, mais aucun tracker sur le marché, Fitbit, peu importe, vous dit l'eau que vous avez bu. Donc, jusqu'à maintenant, hein, le Level Wearable Hydration Monitor utilise une technologie de lumière rouge qui mesure 10 fois plus profondément dans votre peau que les lumières vertes qu'on retrouve dans les fitness trackers. Donc, ça mesure votre niveau d'hydratation et ça vous donne votre, battement de cœur. La santé de votre cœur de façon hyper précise grâce à cette lumière rouge. Ça surveille aussi votre activité, votre sommeil et votre humeur. Et puis, il y a un étui créé par... Ben, un étui. Ouais, c'est un étui. De la part de Frog Design, qui est un petit peu futuriste, tout en étant rétro. C'est comme le mélange, c'est très à la mode en ce moment, le mélange entre rétro et le high-tech. Exactement. Ouais. Donc, en tant que tel, l'étui du fitness tracker est très, très plastique, noir. Ça fait un peu Apple Watch. Alors que le bracelet est en cuir brun. Va se créer de la belle patine, comme on l'appelle. Oui, oui, oui. Et en plus, il y a comme des vis dedans. On dirait que c'est comme visser une vis, c'est malade. Tout ça pour 120$, c'est un Kickstarter. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir si vous payez pour. Ouais. Mais c'est intelligent, par exemple. C'est vraiment fort. Et pour terminer cette première partie de chronique, c'est le Mako Cable Organizer. J'en veux ça. Je l'ai mis dans la chronique juste parce que j'en veux. J'aime beaucoup les trucs qui servent à tenir d'autres trucs. Oui. J'ai, t'as sûrement vu mes petites attaches en plastique, en caoutchouc presque, qui se tournent comme des attaches poubelles que j'ai achetées à gros prix sur Amazon. Même chose ici, mais plus beau, je trouve, encore. Ouais, c'est cute quand même. C'est des organisateurs de fils, donc vraiment, c'est comme un petit morceau de plastique ou silicone, peu importe. Et il y a un bouton pour snapper au bout. Donc, tu entoures ton fil et tu snaps pour fermer. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, c'est le Mako 2.0 ou le Big Mako pour les gros câbles, comme les câbles MacBook, entre autres. Donc, vous passez votre cordon à l'intérieur et il y a... en fait, c'est même pas un bouton, c'est un aimant. Néodymium. Super intense. Le néodymium, c'est des aimants super puissants. Pour garder tout ça bien serré au niveau que vous voulez, ça va pas... dans le fond, l'aimant n'est pas juste au bout. Ça... Hey, aujourd'hui, j'ai de la misère avec mon micro qui recule. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bref, ça s'attache bien. Mako 2.0 pour les écouteurs, des câbles, etc. Et le Big Mako pour les chargeurs de laptop, des câbles d'Internet, des petits fils d'électroménager, comme un séchoir à cheveux. J'utilise encore vraiment mes attaches poubelles en plastique, je m'en sers encore partout, ça fait comme 6 ans que j'ai les. Donc c'est le genre de choses que j'aimerais. Kickstarter pour environ 11$ américains, voilà. C'est tout pour cette première partie de chronique. On en fera d'autres plus tard. Ben oui. Pour l'instant, on va prendre une pause. Plus tard aussi, on a Tania et on a Gabriel Béhoud qui s'en viennent pour terminer l'émission. Ça s'en vient tout à l'heure. Pour l'instant, on prend une petite pause et on vient à Assemblage Rookie. Oh! Bien relaxé. Ben oui. Aujourd'hui. Vous êtes assez perdu pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis, ce mercredi 21 septembre 2016. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, une autre portion de Ça existe. Après ça, Tania. Après ça, Gab Béhoud. Dans le temps qu'il va nous rester pour l'émission d'aujourd'hui, j'arrête pas de parler du fait qu'on a beaucoup de choses qui s'en reviennent, donc reste à l'écoute. Mais pour l'instant, une petite pièce de D.O.C.'s. On l'a entendu hier pour la première fois au Palmarès, c'est fou. Oui, on l'a dit au Palmarès. On le redit ce matin parce que vous étiez peut-être pas à l'antenne hier. Mais c'est pas l'émission D.O.C. là. C'est The... Oh, voilà. Si! Les voici avec un Plastic Plant! Assemblage requis. Plastic Plants, D.O.C.s. Oh, oh, oh, oh. On m'a parlé de ce que c'était D.O.C.s pendant la chanson, puis j'ai jamais regardé ça de ma vie. Je comprends pas comment t'as jamais regardé ça de ta vie. J'ai réussi à éviter ça. Mathieu, Summer. Summer! T'es là. Oui, non, je sais, non, je l'aime bien. Adam Brody. Ouais, ben pas moi, ouais. Summer. Ouais. Rachel Bilson. Oh, oui, Rachel Bilson, c'est ma préf. Ben, c'est ça, t'aurais dû le regarder. Ben, je sais. Et boy. Elle te parle de plantes de plastique, c'est pas le genre de choses qu'on achèterait, donc ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ou non! Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette tout de suite. On commence avec ceux qui ont attendu en ligne, peut-être pour l'iPhone 7 ou pour différentes sorties de produits, un nouveau jeu vidéo qui sort, peu importe. Vous avez besoin de faire la file pendant des heures et des heures. Vous n'avez pas de chaise. Vous ne voulez pas transporter votre chaise avec vous. Non. T'sais? Donc, il te faut le site Go. Ça a la grandeur d'une bouteille de café ou d'une bouteille d'eau que tu aurais dans ta sacoche ou dans tes mains. OK. Ça s'étire en bâton télescopique. Pour que tu puisses te mettre les fesses dessus, un peu comme dans les arrêts d'autobus qui n'ont pas vraiment des bancs, mais ils ont comme juste des accotoirs. Chez McDonald's maintenant. Chez McDonald's. Il y a ça maintenant, tu peux comme juste t'accoter dessus. C'est le même principe, donc le sit-go. C'est super simple pour à peu près n'importe quelle situation. C'est ultra portatif, une chaise escamotable qui se met dans un tube de la même grandeur qu'une bouteille d'eau. C'est un banc donc à une patte. Parfait pour même des événements, des spectacles de musique à air ouvert, pas de chaise, hein? Sitgo ajustable pour différentes grandeurs et ça coûte seulement 30$ sur sitgo.com, sitgo.com. Vraiment pas cher, vraiment une très bonne idée. Est-ce que t'as déjà rêvé d'avoir les souliers parfaitement propres? Ok, oui. Est-ce que t'aimerais ça t'engager un petit enfant, là, pour te faire ça? T'es pas un enfant? Non, ben à la place, tu pourrais t'acheter une boîte Shusha & Box Kit. Ah, ouais? Tu ferais la même affaire. C'est une boîte avec un petit enfant dedans, non, ça va. Ah! Ça ressemble un petit peu à une boîte d'outils en bois avec sur le dessus des petits aluminium. C'est encore un peu comme on disait, futuriste rétro en même temps. Donc, t'as du bois et t'as aussi de l'acier inoxydable pour les barreaux en haut qui vont tenir le petit linge, un linge blanc pour laver tes dessus de souliers, hein, pour les shiner, comme on appelle. Super élégant. Et t'as même, évidemment, la boîte est ouvrable pour mettre le linge et les produits de nettoyage dans la boîte. Et il y a même une poignée sur le côté de la boîte pour l'amener de place en place. Peut-être que tu pourrais même te partir un commerce à la place de vendre de la limonade. Oh, pourrais chouchainer. Bonne idée. 175$, c'est quand même cher. Mais un produit de classe, ça s'achète, comme on dit. Ensuite, ça là, c'est vraiment très intelligent. Pour les personnes de taille format collation, taille... taille réduite. Format collation. Les personnes de taille réduite. OK. C'est pas comme ça qu'on appelle ça les personnes de petite taille, les personnes de format collation. On appelle ça des personnes de petite taille. Ah, excusez. Donc, ils ont de la misère à se rendre jusqu'au bouton de la lumière. Oui. Je dois tout le temps dire « Mathieu! » Viens m'ouvrir la lumière. Ça arrive. Donc, c'est un bouton pour donner une extension au bouton de la lumière. C'est comme une rallonge de bouton. OK. Donc, c'est un morceau de pas les boutons. Pour ceux qui comprennent pas les boutons que vous avez dans le visage, maintenant. Ah, mais c'était tellement confus, dans ce, évidemment. Parce qu'on parlait que c'était un bouton dans le visage pour allumer la lumière. On sait jamais. Après le clapper, c'est le sparker. You! Donc, c'est le Kids Light Switch Extender. C'est tout simple. Vous enlevez les deux vis. Mettons que vous avez une plaque de lumière, OK? Oui. Bon, t'enlèves les vis. Tu mets ce gadget-là par-dessus. C'est comme un gadget en plastique, genre fluo. Il y a différentes couleurs. Tu remets les vis. Évidemment, le milieu passe par-dessus le bouton, tu comprends? Uh-huh. Donc, tu revisses ça. Et ce que ça va faire, c'est qu'en bas de tout ça, t'as une tige. Et la tige va activer le bouton, le monter, le descendre. C'est vraiment très, très plastique. Là. C'est vraiment... Il n'y a rien de technologique là-dedans. Là. Non, okay? Vraiment pas. Donc, une fois vissé autour de ton bouton, ça va tirer sur le bouton vers le haut, vers le bas, en se servant des vis comme rails. Hein? C'est pas merveilleux, ça. Tout ça pour 12$ pour donner à votre peu importe personne format collation la chance d'ouvrir et de fermer ses propres lumières. 12$, c'est pas cher. Par lumière. Et ça brille dans le noir, donc ça donne l'avantage en plus que la nuit, tu peux savoir où est le bouton de lumière sans avoir à tapoter le mur. Fantastique. C'est vraiment cool. Ensuite, c'est une cuisine portative pour l'automobile. Ouh, intéressant. Ben, ça savourait un repas fait maison quand vous êtes sur la route en achetant cette cuisine qui se contient en elle-même dans votre troc. Hein? Tout ce qu'il vous faut est au bout de vos doigts. Il y a un four à gaz, hein? Un petit comptoir oui. Et même un petit lavabo. C'est vraiment merveilleux. Ça ressemble à un campeur, mais c'est pas un campeur. C'est, tout ça, c'est dans une boîte qui va dans votre coffre arrière de gros camion. Hein? Et là, tu tires là-dessus, il y a des rails, évidemment. Et le rail, bon, c'est... t'as des tiroirs au bout, t'as au milieu le four, le petit comptoir escamotable. Tu peux mettre tes ingrédients sur une autre petite tablette. Et t'as même un porte-essuie-tout. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Bon, faut juste pas que t'aies genre une Tercel 92, parce que je suis pas certaine que ça rentrerait. effectivement, c'est sur la compagnie Scout Equipment. Donc, Scout Equipment Company. Et leur site web, c'est scoutequipment.co pour compagnie. Hein? Ensuite... quand t'es justement en cuisine et que tu veux faire manger peut-être une tarte, quelque chose comme ça, oui. Ton rouleau à pâte en bois accumule plein de microbes, là, c'est dégueulasse, hein, bon. Oui. C'est pas assez lourd, faut que tu pèses bien, bien fort. Hey, c'est vrai, hein. Bon, imagine si t'avais un rouleau comme ça en marbre. La folie du marbre, en plus. Ah, y'a-tu une folie du marbre? T'es-tu sérieux? Ben, je trouve ça vraiment laid, moi, le marbre, toutes toujours. Toutes les femmes trippent sur le marbre. Ah, c'est pas beau, je trouve ça tellement laid. On Mathieu, dirait les années 80. Mes ongles ont le design du marbre. Ben, c'est un beau marbre plus granit, je te dirais. Ah, OK, voilà. Ouais. Différent, hein? Différent. Une petite affaire. Non, ici, on parle de marbre comme dans les vieilles salles de bain. Ouais, ouais, ouais. Avec des tuiles genre blanches et grises marbrées, là. Hein? Bref, ça coûte 20$. C'est un rouleau. Qu'est-ce que je te dis de plus? Il hein? n'y a rien d'autre à dire de plus. 6 pouces de long, ça je pourrais, ben tu sais, ça je me garde une petite gêne. Ouais, c'est ça. C'est fait de marbre blanc avec des poignées. On peut pas vous le prouver. Par radio. Avec un accent de poignée de bois, là. Ah, poignée de bois. Et voilà. C'est rien qu'une petite base. En fait, je dis qu'il n'y a rien à dire de plus, là, mais c'est rien qu'une petite base de bois sur laquelle mettre ton rouleau pour que ça tienne. Ah, OK. Pour pas le briser aussi, surtout, j'imagine. Hein? Et voilà. C'est du marbre quand même. C'en est. On parle souvent de gros beanbags, tu sais, les poufs sur lesquels oui. t'asseoir, c'est fait en, avec des billes dedans, là, puis là, tu peux t'évacher dedans, puis c'est bon. On avait ça quand on était jeune, hein? Mais maintenant, on peut en avoir à l'âge adulte, mais en beaucoup plus grand format. C'est le Giant Beanbag Denim Sofa. C'est comme un sofa, mais avec une couverture de jeans, noir, okay. Ben, bleu, noir, ça paraît pas trop sa photo. Mais dedans, c'est la sensation d'un beanbag. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que tu sois geek pour avoir ça parce absolument. Que ça serait le sac parfait pour jouer à Halo toute la nuit. Exact, ou à lire des bandes dessinées comme le gars fait sur la photo. Mais ah, je pensais que qu'il faisait des mots croisés, il a l'air à tenir un crayon. C'est possible. Il prend des notes. Ah, c'est ça. Pour les personnages de la bande dessinée. mais ça a l'air vraiment confortable comme divan dans une chambre pour adolescents. C'est vrai. Un adolescent secondaire que Gabriel Béo enseignerait à l'école. Oui. Moi, j'espère que ça vient avec 2-3 rendez-vous chez Kiro, parce que c'est sûr qu'après c'est deux sûr, semaines, hein? t'es détruit. Tellement. Et en plus, ben, t'as plus mettre de finances parce que tu viens de dépenser 300$. Bon, mais ça arrive juste après 25 ans. Tu sais, ceux qui sont avant 25 ans, ils en ont pas besoin. Il y en a pas de problème. Je m'achèterai pas ça, donc. C'est ça. M'achèterai pas ça. Non, exactement. Parce que t'as été marchette jusqu'à ton bilan. Bref, lavable à la machine. La couverture, évidemment, pas le dedans. Hein. Et c'est vrai, il y a des petites billes de polyuréthane, de mousse polyuréthane, qui donnent du soutien, disent-ils. En leur regardant s'évacher dedans, il n'y a pas grand soutien. C'est plus confortable que d'autres choses, 300$ américains. Ensuite, quand tu te fais les ongles, Gab, t'es le gars ben, qui... Je pense que c'est le produit le plus inutile. Comment? Tes ongles sont parfaitement faits, là. Ah oui, ils sont parfaitement faits. Les miens sont longs. Oui, t'es dû. Les miens aussi. Ouais, c'est comme l'échelle des ongles. Les ongles courts, les ongles moyens et les ongles longs. Voilà. Bref. Si tu veux t'attraper tes ongles, parce qu'à un moment donné, c'est plate quand t'en as, bon, t'es fait dans ta chambre, dans la salle de bain, puis là, t'en as dans tes pantoufles, t'en as dans tes bas, ça finit plus. Ou, comme ma mère dirait, je pense qu'elle achèterait ça à Noël à mon père, parce que mon père est du genre à faire ses ongles comme sur le sofa. Ah, ben, moi, là, j'ai vraiment, je pense que j'ai le summum du dégueulasse. OK, oui, on l'autre vie, j'étais à l'UQAM, et puis, comment ça fonctionne, pas mal toutes les cours, toutes les profs, comme tout le temps, la pause dans la même heure, même affaire ici. Ouais. Et puis, il y avait un gars, systématiquement, en revenant d'un cours, c'était un amphithéâtre, là, de au moins 100 quelques personnes, ça donnait que je me soyais tout le temps, ou presque au même endroit. Ce gars-là était tout le temps assis derrière moi. Et puis, en revenant de la pause, le mardi, à 1h15. Il faisait ses ongles. Pendant que la prof, elle parle, là, elle t'explique, la Grande-Bretagne, au 12e siècle, t'entends. Ben, voyons. Tic! Hey, mais c'est privé, le genre ça! De... C'est dégueulasse! Sérieux? T'imagines, t'en manges une dans le chignon, une retard, et... Non, mais c'est parce que... C'est dégueulasse! Si c'est acceptable en société de se faire les ongles, ça devrait faut être aussi au moins acceptable. Avoir le produit. Oui, ça pourrait être de se raser les poils du nez. Je sais pas, hein? Ça pourrait être de se laver la petite serviette humide, tout le corps au complet. Ah, on est rendu là, la limite va interne. Où? Ouais, non, c'est ça. La limite est où? Bref, on parlait de s'attraper les ongles quand on fait vos ongles. C'est un petit bocal, ça ressemble à un pot de médicaments. Okay? Oui, vraiment. Et tu rentres le coupon d'un côté, et ton pouce, ou peu importe, le doigt de l'autre côté, il y a comme des petites... c'est une petite fente de caoutchouc qui va prendre de l'ampleur quand tu vas rentrer ton doigt dedans. C'est comme des gasquettes, là. Il y a deux gasquettes. Ouais, c'est ça. Exactement. Pour 9,31$ pour garder tes ongles à l'intérieur. C'est comme de la magie, hein? Comme de la magie. Un petit linge transparent. Et on va terminer là-dessus. Je trouve que ça finissait bien la chronique. Hey, mais c'est vraiment intelligent, par exemple. Moi, c'est je ferais le cylindre opaque. Opaque le cylindre. C'est vrai, il faut le dire, oui, parce qu'on voit au travers que t'es niveau en train de faire hardcore. Les gens, s'il avait été noir, le cylindre, les gens auraient pu penser que tu faisais autre chose que te couper voilà. les ongles à l'intérieur de ton bocal. C'est louche. Si on sait pas, là. Mais ça pourrait être, je sais pas si ça pourrait être utilisé aussi pour te verdir les ongles. Vraiment, tu rentres ça dedans. Je penserais pas. Non, puis là, ça ressort, puis ça dégueulasse partout. Trop difficile, ouais. C'est ouais. comme un sas. Un sas. T'as des maladies de doigts ou quelque chose. Donc voilà, les liens sont sur rassemblagerequis.com pour la chronique de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. On termine la chronique avant de continuer avec Gabriel Béaud tout à l'heure, comme vous l'avez entendu. On s'en va entendre une demande spéciale de notre ami David Ferron, qui est rendu notre collègue de bureau. Oui. Donc on l'a dans les pattes plus souvent qu'autrement. Et il nous a suggéré une excellente pièce de Mother Mother. J'aime ce succès, c'est The Styx tout de suite à Assemblage Requis. Oui, il est en train de revenir, en train de se mettre dans nos pattes. Ben oui. Il est content. Mais non, mais il s'en vient de nous dire que... Un sourire d'enfant. Sourire niais. Bien, Mathieu, il y a un message pour toi. Un finger! Je t'arrête ta chanson! Tout de suite. Et fini. Ah, je pue. C'est fini. OK, c'est, ça repart. C'est fini. Voilà. Late in the day. Mother Mother, la pièce de Styx, un classique et des palmarès, c'est fou, une demande spéciale de David Ferrand. Et au retour de la pause, Gabriel Béaud est dans les coulisses de la lutte. Aujourd'hui. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées, en ce mercredi 21 septembre 2016. Elle est Tania Bonin. Et Mathieu Blanc. J'ai pris mon 1 en même temps. Ouais, j'ai pris ça. Bref, oui, toujours à cette émission matinale où on reçoit chaque semaine un capitaine. Fait qu'on l'appelle Capitaine. El Capitano. El Cap. Ouais, c'est beau ça, El Capitano. C'est Gabriel Béaud, voici dans les coulisses de la Luitre. Dans les coulisses de la lutte, Gabriel Béaud. C'est terrible, t'es lutte chat. C'était particulier. Tu trouves ça, ouais? C'était, en tout cas. C'est pas matinal, mais ben. Non. Un chat, anyway, ça dort 20 heures sur 24. Absolument, mais Gabriel Béaud, lui, est toujours éveillé parce qu'il revient. Malheureusement. En effet, ta chronique tourne mal le mercredi matin, juste après le camp de recrutement. Exactement, donc c'est pour ça que je suis venu ce matin, c'est pour vous jaser du camp de recrutement, en fait. Les deux jours de camp. Oui. Qui ont lieu lundi et mardi à deux endroits différents dans le pavillon Michel Sarrazin. Exactement, donc un dans une salle Robert Mathieu, comme un genre de mini-amphithéâtre. Et puis ensuite, ça se déroulait dans une salle de cours. Donc, mais ça s'est très, très bien passé au niveau de la logistique. Ouais. C'est numéro un. Mais je pense qu'on n'est pas là pour parler de la qualité des locaux offerts par le théâtre. Non, absolument pas. Et ni de la nourriture de la cafétéria juste à côté dans le même pavillon. Il y a une petite cafétéria. Mais bref, donc lundi et mardi avaient lieu deux soirs de camp sur deux... comment dire, maîtres différents, deux professeurs enseignants. Exactement. On avait un Louis-Étienne Villeneuve et puis un Rémi... Franca. Oui, deux styles d'ateliers très différents. Oui. On a commencé donc lundi soir avec Louis-Étienne Villeneuve, qui est un gars très, très chill. Oui, il était très posé. Avec son béret assis sur sa chaise, quasiment en genre de, tu sais, avec les jambes dans les airs, c'est vraiment comme... Oh! Je suis là, puis je suis cool. Exact. Mais Louis-Étienne Villeneuve, il peut se le permettre. Non, il est très fort. Parce qu'il est... Je te dirais, cette année, ça a été surprenant. Justement, les deux formateurs nous ont donné quand même des soirées plus ou moins semblables. On a eu droit à un réchauffement peut-être un peu plus long du côté de Rémi. Puis ça a donné un deuxième soir, là, justement, où le monde, après la petite demi-heure de réchauffement, il était bien allumé. Oui, est-ce que c'est un réchauffement classique, Rémi Francœur, à faire des portes différentes? Non, ça, on n'a pas eu ça. Les gens devaient l'année passée faire genre une poignée de porte. Puis la deuxième personne fait une poignée de porte et autre chose. Puis l'autre personne fait une autre chose, une autre chose, une autre chose. Ça fait une grosse suite. Et puis quand tu passes le 29e, t'as une pression incroyable. Je me rappelle des 28 avant moi. Ouais. Mais non, on n'a pas fait ça cette année. Okay. Non, on a le droit à des petits réchauffements physiques pour ensuite faire des impros un contre un, courtes. Non, ça s'est bien déroulé. Là, on a le droit de voir justement l'éventail de possible. Absolument. Du côté de Louis-Étienne, c'était plus classique, je dirais. Il y avait des improvisations à deux, des improvisations à trois, avec des entrées secondaires plus tard dans une impro. Ce genre de choses-là, des affaires classiques. Mais on teste surtout l'écoute. Là, on teste l'écoute, on teste évidemment le talent humoristique. Non, c'est sûr, la répartie. Pas le choix. L'écoute, puis aussi justement la capacité à se démerder si la personne fait une deuxième ou troisième entrée sur l'improvisation, elle a manqué d'écoute. Oui, donc il y a des gens qui rentrent pour rien dans une impro aussi, puis ça sent pas grand-chose. Ah, mais ça, c'est... Ouais. Moi, je le fais à l'huître. Que... Oui, ben pour tout, tu plugs un gag que t'avais depuis le début, puis tu voulais le faire, puis ça démange, là, il rentre. Ça arrive. Même si ça pue vraiment sa place à ce moment-là dans l'impro. Non, exact. Mais souvent, t'as le point, parce que c'est drôle. Sur une bonne note, le public s'en rappelle, lève la main pour toi. Les gens, ils pensent... Tu sais, les improvisateurs ont une façon de penser qui n'est pas nécessairement la même que le public de l'impro. Non, ben moi, ce que je me dis, c'est que je calcule comme suit. C'est que le public d'impro sont aussi le voteur, l'électeur moyen. Ben fait que si dans 30, voilà. Fait que si dans 30 dernières secondes une impro de 5 minutes, je suis capable de donner un punch. Tellement, je suis d'accord avec peut-être toi. Peut-être qu'ils vont juste se répéter ça. C'est non, clair, mais blague à part, c'est pas nécessairement l'objectif. Si ça arrive, tant mieux. Oui. Mais ceci étant dit, hier, on a eu le droit à une délibération, là, ma foi, assez pimentée. Ça doit, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens dans la salle. T'estimerais ça à combien de personnes sur les deux camps? Je pense que sur les deux soirs, on a eu environ 32, 33 personnes, peut-être. Okay. Et puis malheureusement, on avait 16 places. Et puis il faut calculer aussi que des fois, évidemment dans l'8, il n'y a pas de place réservée. Non, il n'y a pas de... Il n'y a personne qui a fait un pack de 5, la présidente, pour avoir sa place dans l'8. Non, exact. C'est pas parce que tu... Je sais pas... T'es le beau-frère d'un tel. Ça, ou t'es la meilleure amie de telle personne de capitaine. Ça fonctionne pas. C'est, on y va au mérite et au talent. Voilà. Par contre, c'est sûr que sur les 16 places disponibles, il y a des joueurs... de l'année passée qui vont revenir. On doit dire des vedettes que la foule attend passionnément, patiemment à revoir sur scène. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait vraiment 16 places? Moi, je pense que oui. Mais c'est sûr que sur les 16 places, il y en a quelques-unes qui sont presque de facto assignées à des anciens joueurs. Voilà, des gens que tu peux pas vraiment enlever de la ligue. Et il faut tout le temps aussi faire de la place pour les recrues. Oui. Je pense que c'est la ligue qui fait attention pour avoir des recrues dans ses équipes. C'est clair, il y en a beaucoup cette année. Ouais. Puis aussi, on se le cachera pas, là, on est là pour donner un spectacle. Je pense que le spectacle, depuis 2-3 ans, la chasse... Ça va l'eau. C'est assez relevé. Donc aussi, on pense en fonction du spectacle. Est-ce qu'on veut vraiment d'une équipe... est-ce qu'on veut vraiment que les Rouges avec leur capitaine Gabriel, moi-même, ou les Bleus avec Vincent, ou les Oranges avec Marc, ou les Vert avec Alex Marchand. C'est Orange. C'est l'inverse. Alex Marchand et Orange, et puis Marc et Vert. Est-ce qu'on veut vraiment d'une powerhouse, une équipe là, qui torche la ligue? Ouais. Est-ce que c'est si bon que ça? Je pense pas. C'est d'ailleurs ce qu'on a pas fait. Okay. Mais je pense que justement cette année, la compétition, elle va être d'un calibre. Faut être très, très, très élevé. Ouais, j'ai vu sur le site web de la Lutte que le tableau du score en ce moment est sorti. Je te dirais qu'en ce moment, c'est 0 pour les rouges. Oui. 0 pour les oranges. Non. 0 pour les verts. C'est ça. Et 0 pour les bleus. À date, c'est à égalité. C'est pas pire, là. Ça passe. C'est serré. Ça joue des coins. C'est déjà serré. Faites attention. Imaginez. Les équipes viennent d'être faites. C'est bien plate, là, mais il y a des gens qui étaient dans la ligue l'année passée qui sont pas de retour. Nous a brisé le cœur. Absolument, le petit cône du bonhomme qui pleure là, sur emoji Facebook. C'est pas celui qui pleure de rire, là. Non, celui qui pleure de tristesse, il s'est fait aller le manche balai. Hier soir. Ça s'est su hier à minuit passé dans un endroit top secret de Trois-Rivières. Près du terrain de golf. Par la brassée de manche. C'est comme une initiation. Ça, c'est ça. Ça, c'est laver les balles entre... Est-ce que vous allez avoir ça, une initiation? Non, pas tellement. Je pense pas qu'on... On n'est pas de même, hein? C'est ça? L'initiation, c'est... Je pense que c'est lundi prochain, là. C'est le match showcase. S'il y a une initiation, c'est celle-là. Puisque c'est un baptême du feu, là. Tellement. Les quatre équipes vont jouer. Tout le monde joue, même les substituts. Oui. C'est 5 joueurs par équipe, ça donne 5 joueurs? Exact, donc les 5 groupes alimentaires. 20 personnes jouent par équipe. Tantôt, on disait qu'il y avait 16 places ouvertes parce que les capitaines comptent là-dedans. Voilà. Comptent pas là-dedans. Donc, ça fait 20 personnes qui vont jouer sur la scène. Divisé en deux blocs comme l'année passée? Je pense que oui. Donc, une équipe contre une autre et ensuite une autre équipe. C'est comme deux matchs distincts. Il n'y a pas d'affrontement à la fin. Non, exact, parce qu'en même temps, on veut voir le monde jouer. Là. Mm-hmm. Toutes les équipes vont jouer environ 45-50 minutes. Environ. Et puis pour le public, ça va être l'occasion de voir le dévoilement des équipes. Je pense que le monde attend ça avec impatience. Au match des capitaines, moi on remonte déjà la semaine dernière. Ça fait deux semaines et un jour. Une semaine et deux jours. Ouais, exact. Mais je pense que on avait une foule. Qui était électrisé. Mais c'était rempli comme un match normal, puis il n'y avait pas eu de match depuis le mois d'avril. Non, exact. Okay. Et puis là, il n'y avait même pas d'équipe en tant que telle, il y avait seulement les capitaines. Fait qu'imaginez les capitaines que vous avez vus maintenant, épaulés de quatre improvisateurs, là, parfois des recrues, parfois des anciens qui reviennent, puis des visages que vous dites, c'est un capitaine, lui, l'an passé. Ben oui, tu sais. Ça va être vraiment le fun à voir. Vous allez reconnaître des visages, vous allez découvrir de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez même reconnaître des joueurs qui sont plus dans la ligue, mais qui vont être quand même dans le foule. On espère quand même rester amis avec ces gens-là. Oui, moi, c'est sûr, j'aimerais faire un appel à tous, là, aux gens, notamment qui sont venus au camp, qui sont à l'écoute. Et puis aussi, pour tout le monde qui ont déjà fait des camps. Ceux qui ne sont pas retenus, je vous avouerais que ça a été une tâche vraiment super difficile de faire des équipes puisque des fois, c'est joueur de soutien, genre, c'est pas réducteur là, comme terme, mais le troisième ou le joueur et le sub, ça a tout été des délibérations qui ont duré. Là. Mais ça pourrait pas durer 1000 ans, là, puisqu'on. Il y avait quoi, 2 heures environ, ouais, entre 22h, la fin du camp, et midi et quelques. Environ. Ouais. Et donc, à un moment donné, ben, faut se brancher puis en choisir, mais il y a des gens qui ont été coupés, qui ont des potentiels, ma foi, immenses. Oui, ils pourraient être de retour l'année passée. Est-ce que ça a déjà eu lieu, quelqu'un qui a été coupé une année puis qui est revenu l'autre année après? Peut-être pas encore, mais ça pourrait être. Moi, ça a joué. Oui? Oui, ma première année, j'avais été coupé. Ah, ouais. Pour revenir avec les rouges sous les jets de Philippe Grenier. Ça dépend des capitaines, parce qu'à chaque année, les capitaines... Ça change. Il y en a tout le temps qui... Il y en a tout le temps. La plupart du temps... J'essaie d'avoir une stabilité. Oui, il y a des capitaines qui reviennent, mais souvent, c'est du nouveau sang. Oui. Ouais. Non, mais ce qui est le fun, justement, là, c'est ça vient justement boucler la boucle de ce que je veux dire, c'est venez au camp, puis venez au match. Oui. Laissez-vous pas intimider par le refus. C'est plate. Puis je sais que c'est plate. C'est super plate. Mais... je pense que tout le monde gagne à voir d'un impro. C'est gratuit, c'est une super belle soirée. Non seulement ça, mais ensuite, ça vous donne une chance de peut-être avoir un meilleur bagage pour l'an prochain. Voilà, voilà. Et ceux qui ont été coupés des équipes, ben, considérez chaque match de la lutte comme un conventum. Ouais, et, pratiquement, venez, ouais. Venez tout le temps. Ah, puis c'est un camp d'impro là, pour des personnes qui viennent le faire. Ensuite, là, c'est une très belle excuse pour aller dire bonjour à toutes les personnes que tu as vues au camp pour juste dire tellement. Salut, ça va. Et non seulement vous allez découvrir des joueurs lundi prochain, vous allez aussi découvrir toute la nouvelle équipe parce qu'il y a plein de gens qui se sont rajoutés ou changés. Il y a des nouveaux arbitres, nouveaux DJ que vous avez déjà vus, nouveaux co-animateurs par défaut parce que ça va être des nouveaux joueurs qui vont jouer le rôle de co-animateur avec moi. Donc tout le monde de staff a pas mal changé, nouveau photographe, nouveau ghostwriter. Ouais. Il n'y a plus personne, je pense, de l'ancienne, de la précédente année. Pas beaucoup en tout cas, vraiment pas beaucoup. Non, c'est ça. Ouais. Ben, comme même au niveau des joueurs, c'est le même principe. Il y a un roulement puisque c'est universitaire, donc il y a des gens qui heureusement finissent le parcours d'études. Ouais. Et il y a des gens qui étaient dans la luître et dans la lime qui disent ah, je vais laisser la luître de côté. Tu sais, des fois, ils font ça. Ah, ça fait assez longtemps, si je m'en vais, puis ils finissent par revenir. Il y a des gens qui des fois reviennent. Ça part pas longtemps. On va peut-être l'en voir cette année. Ah, peut-être, mais ça, on peut pas le dire. Je sais pas. On peut pas le dire parce qu'il y a des gens, on doit dire, des vétérans de la luître qui se sont peut-être présentés au camp, mais on peut pas dire qui. Je sais pas. Moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles. De quoi je parle. Donc, c'est lundi à 20h, gratuit, à la Chasse-Galerie, avec de la bonne bière, des bonnes serveuses. Ouais. Tout le monde va être bien content d'être là. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, le calendrier doit pas être encore. Est-ce qu'il est sorti? Bonne question. Moi, je pense que je suis le pire. La pire personne à inviter. Le calendrier est time, sorti. Là. Ah oui, hein? Le calendrier. Peux-tu me parler des prochains matchs, Mathieu? Parce que je les connais même pas. Fait que... Les dates viennent de sortir. En fait, le site web a dû être mis à jour depuis la dernière chronique. Parce que la dernière chronique, c'était encore la finale, la prochaine affaire. Oui, je sais. Donc, en septembre, on a eu le match d'ouverture le 12 septembre. Oui. Quand le recrutement s'est passé. Oui. 26 septembre, on a dit match showcase. Ça va être les rouges contre les oranges, suivi des verts contre les bleus. Ils mettent toutes les couleurs qui fait ensemble. Puis j'ai de la misère à différencier sur leur t-shirt. C'est tout le temps la même affaire. Ensuite, en octobre, rouge-bleu, un match spécial à déterminer qui va propre, peut-être déterminer, on sait pas. Ensuite, 17, vert-orange. Ouais. 27, attention, j'ai jamais vu ça de ma vie, concept huître. Hein? Concept huître. Ouais, on rénove un chalet, dont le vent. Non, je sais pas, ça va être quoi. C'est comme possible, genre les émissions de refaisage de voilà. Canal 4. Vert-rouge, 31 octobre. Après ça, bleu-orange, bleu-vert, match spécial, rouge-orange-orange-vert, rouge-bleu, match spécial, orange, bleu-rouge-vert, rouge-orange, match carnaval, bleu-vert, match spécial, vert-orange, match spécial, 8 lime, rouge-bleu, concept 8 encore une fois en mars, rouge-vert, match spécial, orange-bleu, match spécial. Il y a beaucoup de... J'ai la tête qui tourne. Et demi-finale. non, mais ils ont sorti des affaires qu'ils n'auraient pas dû écrire dans la feuille. Tout le monde va voir ça, mais ça vient de révéler le punch du mois de mars. Comme? Est-ce que je devrais dire que c'est écrit en ligne? C'est public, là, c'est écrit en ligne. Vas-y. Le seigneur de la luître. Oh, ils ont marqué ça sur la feuille. Ça, je l'ignorais. Moi, je pensais que ça c'était secret. Débile mental. Débile mental. Est-ce que quelqu'un a genre oublié d'enlever les références ou un truc comme ça sur le site? Parce que je me demande si ça devrait être public. Oh! Moi, je pense que oui. Moi, le seigneur de la luître. L'année passée, c'est la poule huître. C'est vrai? L'année d'avant, la poké luître. L'année d'avant, un autre poké luître. Aussi, ouais. C'était le début des matchs concept. Mais bon, moi, je trouve que dans la grille, il y a beaucoup, beaucoup de matchs spéciaux. Oui, mais c'est le fun, tu sais. Plus qu'à l'habitude. Je pense qu'on va peut-être avoir des ligues invitées, puis ça, le public en est friand, là. C'est malade de jouer contre Dopic parce que c'est d'autres super bons improvisateurs. que personne ou presque a jamais vu ici à, ouais. à Chasse. Les équipes de Québec, de peu importe, là, dans d'autres villes. Warwick. Warwick. Alma. Salma. Rouen. Rouen! Rouen, c'est pas à porte. Non, c'est, ça c'est sûr. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui va arriver. Non plus. Non, c'est sûr. Bref, beaucoup de matchs spéciaux, mais le même nombre de semaines d'ici la fin de l'année scolaire, le 10 avril. Donc, oui, est-ce qu'on a chopé des matchs? Je sais pas, on verra. Bonne question, je l'ignore. Ça me soulève plein de questions, cette page web. Ouais. Donc, on le rappelle, le classement est toujours de zéro partout. Oui. Allez voir. Les équipes sont faites. Profitez-en pour venir la semaine prochaine si vous voulez tout de suite vous dire faut jamais que je manque telle équipe, puisque je connais. Ben, faut jamais manquer, en fait, la lutte. Non, jamais abandonner la lutte, comme on dit. Never gonna get you up. Never gonna let you down. L'huître. L'huître, you. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est l'occasion, là, lundi, de peut-être vous pogner votre petite équipe favorite, parce qu'on ne se cachera pas. Ah, mettez un petit 2 là-dessus. Là. Exact. Ben oui. Parce que, comme en enseignement, il y a tout le temps des favoris. Hein. Tout le temps. Le chouchou, ça existe. Particulièrement, Antoine Lacasse a beaucoup de favoris sur le côté. Oui, ils sont malades. C'est malade. Antoine Lacasse arbitre l'année passée. Sera arbitre encore. Je pense. Si tu dis ça. Ben, pas mal sûr. Arbitre à la 8 cet automne. Wow, cool. Ouais. C'est le fun, ça. Ouais, non, hey, c'est malade. Quelle belle année que ça qui commence encore une fois cette année. Mm-hmm. Ma troisième, donc je suis bien content c'est clair. De voir ça évoluer. D'ailleurs, tu pilotes ça d'une main de maître. Oui, mon poste n'est pas ouvert, fait que c'est mon poste. Non, exact. Jusqu'à temps que je l'abandonne ou qu'on me sacre dehors. Hein? Compression budgétaire, on va faire animer ça par la cruche. Oh boy! Oh boy. C'est moi, ça? Non, la cruche, c'est pour ramasser l'argent. Voyons, Tania. On sait jamais. Mais en tout cas, bref. Mais tu sais, il se permet beaucoup de calls comme ça en temps normal. Ouais. C'est surtout sur sa vie sexuelle. Hey! Hein? Là, la misogynie sur les lieux du travail. C'est fou, j'ai assisté à un forum là-dessus. Un forum sur la. Misogynie sur les milieux du travail. Ok, sans oui, c'est non? Ouais. Non, mais c'est. Hashtag sans Louis, sans oui, c'est non? Sans Louis, c'est non. Sans lui, c'est non. Hey! Oh shit! On tient quelque chose. L'année passée, j'avais sorti Impro and Chill, ça a pas été retenu. Je pense que celui-là, c'est encore plus fou. Mais sans lui, c'est non, c'est très drôle. C'est drôle. J'espère juste. Ça pourrait être mal pris par ne certains. Ne soyez pas froissés. Il y a des gens qui sont prudes, là. Mais hein? Tu peux pas faire de référence à quelque chose qui parle de viol, là. Mais non, mais on va... Tu peux rien dire en 2016. Non, ben, c'est ça, je suis en train de me rendre compte. Là, j'essaie de formuler une phrase dans ma tête qui sortirait pas tout croche, puis c'est ça que ça donne. Fait que... C'est ça. Genre. 108, c'est non. Nouveau slogan qu'on va utiliser juste à l'assemblage. Oui, ouais, ouais. On en sort des slogans qu'on regarde juste. On va recevoir des mises en demeure incroyables, mais 108, c'est non, moi, ça me fait cramper. Viola, c'est, je veux dire, voilà, c'est fini pour le coup. Là, j'ai vraiment fait exprès. Ça perd du popette, Mathieu. Là, j'ai fait exprès. Merci, J'aimerais vous remercier. Hommage. On se lève le Fedora de plastique dans la colline de tantôt. À toi. Mm-hmm. Fedora en... Le Fedora de Hipster. On se coupe des ongles et on les envoie comme des confettis. Comme des confettis. On met ça dans le fond du yogourt. Ça fait comme c'est yogourt grec. Un bon yogourt au retail d'orteil. Hey, un roteux, là. C'est des rotages. Yark. Dans le chou, là. Ouais, dans le chou. C'est dégueulasse. Quoi, hein? Pensez au blender, ça paraîtrait même pas. Yark. Je pense que ça donne du fer, les manger ces ongles. Du potassium ou je sais pas. Ça, puis les bananes. Du zinc. Wow, du zinc. Les zinzinc de l'espace. Moi, j'ai jamais écouté ça. Moi non plus, c'était pas très bon. Ouais. Moi, j'aimais bien Goldorak et Dragon Ball. Ça passait à genre 5h du matin à TQS. Dans le temps, ça, c'était fou. T'es-tu rendu plus vieux que moi? Non, t'as jamais pogné Dragon Ball? Non. J'écoutais Sailor Moon quand j'étais jeune. Ah, moi aussi, ça, j'ai pogné. Bon, c'était je me sens moins seul et moins efféminé dans ma... C'était long, Sailor Moon, où se passait C'était vraiment long, ouais. Les séquences où elle se transformait en Sailor Moon, c'était comme interminable. Ouais. C'est... Wow. On dirait que c'était pire, de pire en pire, d'émission après émission. C'est de pire en pire. De pire oui, en pire. De mal en pire. Ouais. Fait qu'à part de ça... Ben, moi, j'aurais terminé. J'aurais arrêté là, comme pour pas prolonger le malaise, là. Oui. Ben, j'annonce un concours. Hein? Les personnes qui se rappellent de la réplique dans le deuxième épisode de Dragon Ball que Satan Petit Cœur dit à Raditz, si vous textez ça au numéro suivant, Mathieu... 6-89-1-89-1. Voilà, donc si c'est vous... C'est pas un vrai numéro. Là, il y a genre 8 chiffres. C'est même pas un vrai numéro. Mais... Ah, OK, bon, on nous annonce que concours tombe à l'eau. Ah, la ligne sonne, je pense. Puis ça a raccroché déjà. Voilà. Bah, dommage. OK, bye. Merci, Gabriel Biot. À la semaine prochaine. Bonne journée. Et on se retrouve le 26 bye. Septembre à 20h. Bye bye. Alors, on prend une pause. Au retour, c'est Tania is gonna entertain you. Party! Aujourd'hui. Vous êtes assez fatigué pour l'écouter. C'est fou. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky en ce mercredi 21 septembre 2016, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Eh oui, ça va être le moment justement de passer à la chronique de Tania dans quelques instants, mais on a un petit coussin temporel. Mm-hmm. On s'est acheté ça dans la chronique de Gadget tantôt, un petit coussin temporel. Oui, oui, oui, tout à fait, nos ça nous fait voyager dans le temps. C'est ça, on s'assoit avec nos fesses dessus, puis on fait comme vroum, ça va, dans une demi-heure, ça va être Tania. Exactement. Non, dans cinq minutes, ça va être Tania, tu connais Tania. Même, je dirais, un petit peu moins que ça. Un petit peu moins. Environ 3 minutes 45. Oh, ça c'est précis, oh, oui. Après avoir écouté la bronze. Avec les rois de nous. Assemblage requis. Les bourgeons crament sur nous. Mon dragon fume-moi trop. En statue que nous sommes la liberté. Se fait harakiri. On reste encore juste un peu. J'ai mes tripes à t'offrir. Ma beauté à te léguer, j'ai mes cheveux à t'en foutre plein la face. Mes utopies à te verser dessus. Ma peau des prochains jours à te faire sentir. Faisons de nous une limpide constance qui fluctue dans le spectre du beau. Donne-moi ton corps. Je pleurerai dessus en riant. La Bronze et son nouvel extrait, Roi de nous. Il n'y a pas de lait, Roi de nous, mais dans la chanson, on dit les Rois de nous. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a eu une, un petit moment de Roi de nous. Mais c'est pas grave, ça faisait une super belle transition vers la chanson, puis c'était comme si c'était à la radio. C'était, ben oui. Ah, c'est vrai, on était à la radio. On était à la radio. Justement, par en Chine, on est aussi sur la caméra 3. À la web télé. Web télé, voilà. Sur le câble disponible. Oui, canal, tout à fait. Canal c'est ting-tong. Ting-tong. TV. Alors, hola. Voilà. Qualité. On mélange les accents, je pense. Ouais, je sais. C'est pas grave. Auf Wiedersehen. Ça sonne russe. C'est allemand, mais... Allemand. J'étais pas loin aussi, j'allais dire, c'est soit russe ou allemand. Avant de se dire... on va rester avec Tania Baudin. Ah ouais? Comme emménager dans son petit terrain privé. Oui. Dans Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Chabra, chabra. Est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. Chabra, chabra. And she's gonna entertain ya. Clac, clac, clac, clac. On n'est pas vraiment one man band finalement, hein? Non, sérieusement, plus je l'écoute, plus je me dis qu'on est de pire en pire. De la très très bonne radio comme toujours. Donc, mais on a du fun, c'est le fun. C'est bien, c'est ben bien. Oui, ben oui. Donc Tania, it's gonna entertain ya, ta chronique quotidienne, et tu nous parles toujours d'un sujet différent. Et aujourd'hui, je sais que ça a rapport avec toi, mais okay. Pas du côté narcissique. Non, en effet. Bien, en fait, c'est parce que j'ai eu la chance hier soir d'aller prendre un petit, mettons, 2h30 dans mon horaire. T'as tout compilé, tout compressé le reste de ton horaire sur les côtés, on the sidelines? J'ai tout fait ce que je devais faire comme en 1h30 au lieu de le faire en 3h comme en temps normal, tu m'avais dit que j'aime j'allais ça. Faire. On appelle ça clencher, j'aime ça clencher. Ouais, j'ai vraiment clenché, là. Puis, par la suite, je me suis dirigée vers chez ma cousine qui est très, très, très artistique. Puis elle a décidé au courant de la soirée de me faire un tatou au nez. Ah, un tatou au nez. Un tatou au nez. Et tout à l'heure, je vous disais que j'allais justement discuter de tatouage qui est peut-être pas nécessairement celui qu'on connaît habituellement. C'est du tatouage alternatif. Ben, c'est ça. On est assez fou, ça fait. Ben oui. Donc, j'ai décidé de vous parler du Mendi, du Hindi, du Hurdu ou du Arcu au Maghreb. Oh, wow. En fait, c'est juste les différents noms pour désigner le tatou O-N-E. Et c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui parce qu'on connaît pas nécessairement qu'est-ce que c'est, quels sont peut-être les risques, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et d'où ça vient. Comme on dit, qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée. C'est encore plus drôle. Ça a sûrement déjà été fait. Je deviens bonne, Mathieu. Je deviens aussi bonne. Merci, il est prévisible. Hein, et voilà. Donc, en fait, le tatou Wendy. Il est né, le divin enfant. Il est né. C'est sûr qu'il va avoir plein de gags à faire là-dedans. Oh, mon Dieu. Bon, évidemment, on sait, ça désigne l'art de faire du dessin qui est fait avec une certaine plante sur la peau. Donc, je me suis dit, avant de vous expliquer quels étaient les tatouages, d'où ça vient qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça et d'où ça venait dans le monde, je me suis dit, c'est quoi le henné, tout simplement? Oui, oui. Parce qu'on dit, oui, c'est un tatou au henné, mais c'est quoi de l'henné? En tant que tel, c'est-tu de l'encre? C'est quoi? Ben, c'est ça, exactement. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que ça fait de la couleur sur la peau? On sait que c'est dessiné. Mais bon, c'est une question qu'on se pose. Puis moi, je vous l'ai déjà expliqué. Hein. J'aime comprendre ce que je fais. T'es une fille qui aime le concret. Exactement. J'aime ça, savoir les choses. T'es terre à terre. Si on je est me mets quelque chose dessus, j'aime comprendre ce qui me rentre dedans. Oh voilà. Oh ou ce qui est... Ouais, c'est tellement bizarrement dit. Mais bon, tout ça... Si je me mets quelque chose dessus. Oh, c'est terrible. Tout ça pour dire que l'aîné, en fait, ça vient d'un arbuste. C'est un petit arbuste épineux qui vient de la famille des Lytracées. Donc, ça peut atteindre jusqu'à 6 mètres de haut quand même. Et c'est ces feuilles qui vont être réduites en poudre, qui vont contenir une molécule particulière. Donc, exemple, là, il va y avoir une formule mathématique pour décrire les molécules particulières ça, qu'on trouve là-dedans. Mais c'est ça, exactement. Donc, ces fameuses petites molécules-là vont vont produire des teintes de rouge, de jaune et d'orangé. Et c'est ce qu'on va utiliser en teinture textile et aussi corporelle. Donc, comme je vous disais, on parlait de tatouage qui est éphémère sur la peau, c'est-à-dire que ça va partir après un certain temps. On en utilise aussi pour la coloration des vêtements, pour l'entretien des cheveux, coloration des cheveux, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais le henné pousse quand même à l'état naturel dans des régions tropicales et vraiment subtropicales. Donc, on retrouve ça plus précisément en Afrique, en Asie du Sud, en Australasie et sous des latitudes comprises entre 15 et 25 degrés. Donc, est-ce qu'on trouve ça au Canada? Entre français, ben on peut trouver la pâte d'henné pour faire du tatou, par exemple, du tatouage, mais on peut pas nécessairement retrouver la plante exacte qui va nous servir à créer cette fameuse teinte rouge, orangé, jaune entre là. C'est pas mangeable. Non. OK, parce qu'on aurait pu toucher le bras puis une plante, on sait pas. Je suis pas sûr, je me licherais. Est-ce que ça sent quelque chose? C'est nouveau, là, c'est frais d'hier. Je me sens un bras puis l'autre, va. Mais je te dirais que ça sent un petit peu. Il faut vraiment que tu portes attention au fait que tu sens. Mais quand que tu viens tout juste de l'appliquer, oui, ça va sentir quelque chose. Ça va sentir un petit peu, je vais pas dire l'alcool à friction, là, mais ça va sentir justement les plantes. Comme exemple, si tu t'étais mis de l'aloès ou quelque chose comme ça, cette fameuse odeur de plante là, et de fraîcheur là, va ressortir quand que le tatou va être en train de sécher. Parce que c'est quelque chose que je vais vous expliquer aussi. Ben oui. Ça doit sécher. Une chose à la fois. Donc, l'henné, c'est cultivé intensivement en Afrique, mais ça l'est plutôt aussi en champ aujourd'hui pour une culture qui est pas mal plus facile et qu'une récolte qui est beaucoup plus rapide. Donc, vu qu'on en a créé comme un produit quand même international, ben on le récolte beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement maintenant. Et le mot henné désigne également que le colorant dont on fait l'utilisation est très, très, très ancien puisqu'on le retrouve sur des traces de momies égyptiennes. Arrête donc! Je te le dis! Hein? Oui, c'est hot, hein? Ouais. Des beaux designs? Des beaux designs, mais est-ce oui. Est-ce que tu peux te faire faire ce design-là? Tu pourrais quasiment amener ça à quelqu'un qui fait de l'henné et dire « Je veux être pareil comme la reine! » Ben, tu vois, moi, le tatouage que ma cousine a testé hier sur moi, c'est un tatouage que j'ai trouvé sur Pinterest. Bon! Donc, c'est certain que la personne qui le fait doit, à la base, avoir un talent artistique assez incroyable. Là. C'est j'aurais fait un bonhomme allumette, là, mettons, là, pour moi, mais c'est ça. Ma cousine est très, très bonne artistiquement. Alors, de ce côté-là, je me sentais entre de bonnes mains. Voilà. Et quand on dit, bien évidemment, qu'on va faire du tatouage à l'henné, bien, c'est beaucoup plus popularisé ces derniers temps. Comme je l'ai dit, on en voit sur Pinterest, on en voit sur Internet, sur Facebook, un petit peu partout. Et c'est utilisé dans divers pays arabo-musulmans et dans certaines parties de l'Asie. Par exemple, au Bangladesh ou encore au Soudan, bien, la forme d'art corporel qui est utilisée pour les mariages de deux jeunes mariés est le tatouage à l'henné. Si on va au Rajasthan, c'est en Inde, le nord-ouest de l'Inde, par exemple, eh bien, on appelle ça le Mendi, et c'est un art folklorique. Lui, il est au courant que les femmes se font des dessins aussi raffinés que deux jeunes mariés, mais bien souvent, juste pour accompagner le mariage. Donc, si on est invité au mariage, là, on va pouvoir se faire des tatouages comme ça. Et là, j'espère que je dis pas n'importe quoi, et que les gens ça qui écoutent, qui connaissent super ça, disent pas genre, non, mais... Elle connaît rien là-dedans. Donc, j'espère que tout ça, c'est quand même... Je dis les bonnes choses, voilà. Ouais. Donc, l'henné, ça fait traditionnellement partie quand même de la séduction féminine depuis bon nombre d'années au Maghreb et en complément aussi de tatouages définitifs qui ont déjà été faits à l'aiguille. Et, par exemple, on utilisait le bleu ergoté ou des encres noires, mais on l'utilise surtout pour des fonctions esthétiques. Donc, il y avait aussi des fonctions magiques et protectrices au Maghreb il y a quelques temps. Tu disais, pour accompagner un tatou à l'aiguille, tu pourrais pas, mettons, genre, te faire un beau tatou, OK? Oui. À laisser un espace vide, puis marquer le nom de ta blonde au henné, comme ça quand tu changes de blonde. Mais si tu changes de blonde, par exemple, mettons, aux deux semaines ou aux quelques jours, oui, ça pourrait fonctionner. Ça pourrait être ça. C'est quelque chose que tu peux faire. Ou genre, mom, mais tu changes le mom pour genre... Dad, la semaine d'après. Exactement. Pour varier la famille cousin. Ben oui, exactement. Ouais. Oh mon Dieu, ça serait très drôle. Donc, le tatouage à l'henné, ben, c'est dessiné en associant de nombreux signes traditionnels qui, en temps normal, veulent dire servir, comme je le disais, de la protection, donc des signes traditionnels protecteurs, magiques ou prophylactiques qui vont former ou non des idéogrammes ou des signes pictographiques, donc qui vont être, eux, à ce moment-là, plus ou moins symboliques selon d'où on vient. Comme exemple, moi, je me l'ai fait. Ça veut peut-être dire quelque chose, mais je suis pas au courant présentement. Ah, oui. Donc, de ce côté-là, tout dépendant de où vous vous l'êtes fait faire, comme exemple au Maghreb, en Inde, au Maroc ou en dans Afrique. Dans une cuisine Trois-Rivières Ouest. Non, mais ça veut peut-être dire quelque chose de différent à chaque endroit. Mmh. Je sais qu'il y a des symboles, je vais pas trop dire des maquettes, là, mais des glyphes, des graphies, des quoi? Des dessins. Ben, c'est pas mal. Tout simplement, des symboles où vous allez peut-être arriver en voyage en Inde, par exemple. Vous allez dire, j'aimerais beaucoup ça avoir celui-là. Oui. Puis la personne qui va vous tatouer va dire, ben, c'est parce qu'il est indien. Ouais. Et il n'est pas nécessairement marocain, par exemple. C'est si comme quelqu'un qui se fait tatouer des symboles chinois, puis que t'arrives, là, tu t'en... En tout cas, là, ça veut pas dire la même affaire, ça veut dire d'autres choses. C'est sûr que si vous allez, par exemple, en Inde, vous voulez un tatou à l'aîné et que vous arrivez avec un tatouage symbolique marocain pour eux, ils vont peut-être refuser de vous le faire, de vous le faire, parce que c'est différentes cultures, tout simplement. Mm. Donc, en tout cas, oui, voilà. Donc, souvent, ça va être appliqué par des vieilles femmes ou des jeunes femmes qui ont ça depuis une très, très longue des tradition. Vieille femme, Tania, respecte tes aînés. Mais tes non. Aînés. J'attendais de la placer. Ah, c'est clair, t'attendais de faire ça. Donc, ça vient souvent en tradition familiale et ça a une appartenance quand même à un groupe ethnique. Donc, on peut potentiellement l'appliquer sur tout le corps ou encore aujourd'hui, plus souvent, on va voir ça sur les pieds, sur les mains, sur les bras, comme par exemple moi ce matin. Sur les pieds, parce que j'aurais l'impression qu'avec les souliers ou les sandales, ça allait... finir par l'abîmer plus rapidement. Oui, mais par exemple, si vous allez vous marier à la plage et que vous pensez pas nécessairement avoir de sandales, mais c'est quelque chose qui se voit de plus en plus d'en avoir sur les pieds et sur les mollets comme tradition de mariage, ouais. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Donc, on parlait de pieds, des mains, des bras et ça va être sous forme de tatouages traditionnels ou de plus en plus sous forme de tatouages fantaisistes. Donc, il y a des artistes qui vont faire de l'aîné, qui vont tout simplement se laisser aller puis qui vont faire des dessins selon leur propre pensée, selon leur propre symbole. Et ça amène aussi cette fameuse culture internationale-là à ce fameux tatouage-là. Donc, là où la peau est la plus épaisse, par exemple, la plante des pieds, par exemple, bien, le pigment va offrir une coloration qui va durer plus longtemps que si vous y alliez, par exemple, à un endroit où il y a moins de peau. Mais ça doit tellement chatouiller en dessous du pied. Non? Ça dépend, parce qu'en théorie, tu vas pas nécessairement gratter comme avec un vrai tatou. Tu vas vraiment y aller. Ce sont vraiment des traits fins et qui vont... Mais comme une plume, puis une plume, ça chatouille. Ouais, ok, ouais. Là-dessus, je te l'accorde. Ça dépend de la personne. T'as-tu déjà pris une réglisse qui se défait et t'as juste roulé la réglisse sur ta main? Pourquoi t'as fait ça, donc? Ben, quand t'es jeune. Non. T'as jamais fait ça? Ficello, peut-être. Ficello? T'as-tu déjà pris un ficello puis t'as juste décidé de te l'enrouler sur la main, mettons? Jamais, mais tu me donnes vraiment envie, là. Ben, ça fait un petit peu la même sensation, ça chatouille pas, c'est vraiment quelque chose qui est quasiment, tu sais, on dit à la main levée, là, c'est quasiment parce que tu vas rien sentir. C'est pas comme un tatouage traditionnel où il va y avoir une aiguille qui va digonner dans la peau, puis là, ça va faire mal, tu sais, on s'entend. Ouais. Il y a une préparation qui doit quand même être faite à la pâte avant de faire du tatouage à l'aîné, et j'ai trouvé cette fameuse préparation-là. Donc, la pâte d'aîné est effectuée par des broyages de feuilles séchées, comme je le disais tout à l'heure, de ce fameux petit arbuste qui peut avoir jusqu'à 6 mètres de haut, tout dépendant vous le trouvez où, et ça va obtenir une poudre. Donc, selon les traditions anciennes, la poudre va être mélangée avec de l'eau, avec de l'indigo ou encore un liquide foncé. Ici, on parle de thé ou de café. Et pour assombrir, bien évidemment, la couleur, c'est ce qu'on va utiliser au mélange pour que ce soit un petit peu plus foncé. On va y ajouter aussi du jus de citron pour libérer et vraiment faire en sorte que le colorant va fixer sur la peau. Et on va y ajouter aussi du sucre pour l'uniformité de la pâte. Donc, c'est ce qui va vraiment créer cette fameuse pâte-là. Si vous y allez avec les ingrédients traditionnels, quand vous regardez ça, il y a absolument rien de toxique là-dedans. Tu sais, c'est des plantes émiettées en poudre avec du thé, puis du jus de citron puis du sucre. Tu sais, c'est pas trop trop nocif pour la santé, ouais. On s'entend. Donc, il va y avoir une application qui va être faite par la suite. Quand on va avoir obtenu la fameuse pâte qu'on veut et la consistance qu'on veut, eh bien, la pâte va être appliquée en dessin. C'est très, très, très fin, comme je le disais, et ça va être fait souvent à l'aide d'un bâton taillé en pointe ou d'une petite, une petite poche, tu sais, les poches à gâteau, là, je sais pas si... Comme pour le glaçage. Oui, exactement. Mais très, très, très, très... Ce mot-là, douille. Mais ben justement, avec douille. Une douille très, très, très fine au bout, et on va presser pour en faire sortir le contenu. Et parfois, mais on va utiliser une seringue. Mais là, quand je parle de seringue, faites attention, là, vous rentrez pas une aiguille dans le pot pour vrai. Là. Une grosse seringue. Tu sais, une seringue en plastique, ouais. Par exemple, pour faire des dessins ou du faux sang. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est souvent ce qui va être utilisé pour l'application. Et le temps de contact avec la peau va influencer sur la tenue de votre tatou. Donc, la pâte va vraiment souvent être laissée jusqu'à 6 heures avant d'être enlevée. Si vous êtes comme moi, puis vous avez décidé de faire ça comme quand même tard en soirée, une à deux heures de séchage, c'est bon. Et tu peux voir ce matin, là, c'est foncé. Mais là. T'as fait le séchoir. Oui, j'ai un petit peu triché hier soir en arrivant chez moi. Je l'ai fait au chaud. Ah. Oui, voilà. Donc, pour accroître la pénétration du colorant, parce que c'est quelque chose qui doit quand même pénétrer à la peau, le tatou et la personne qui va se faire tatouer doit éviter de se laver durant encore quelques heures, si c'est possible. Donc, si vous le faites faire, par exemple, le matin, bien, évitez quand même d'aller vous laver juste deux heures après. Ou même t'entraîner la sueur. Exactement. Ça va faire en sorte que ça va partir beaucoup plus facilement. On parlait justement de persistance du tatouage, de la durée de ce fameux tatouage-là. Mais ça peut durer de quelques jours à deux semaines, selon le temps de séchage que vous avez pris. Ah. Si vous, tout à l'heure, on parlait de jusqu'à 6 heures. Donc, si vous utilisez le maximum de temps que vous pouvez garder la pâte sur votre peau, mais là, bien évidemment, vous vous enlignez vers deux semaines. Ouais. Ça va aussi dépendre selon la nature de votre peau, donc la transpiration corporelle naturelle et la chaleur qui va favoriser la décoloration de votre tatouage. Donc, si à la base, vous êtes une personne qui avait quand même assez chaud et que vous le faites faire, par exemple, sur les pieds, bien, il y a peut-être plus de facilité à ce que ça disparaisse. Mais, par exemple, hier, ma cousine me disait, bien, t'as vraiment une peau qui réagit bien à ce type de tatouage-là, parce que déjà, après une heure de séchage, j'avais des petits bouts qui craquaient, puis on pouvait voir que c'était quand même très, très foncé. Ça finit par s'écailler tout seul, si tu veux. Oui, exactement. C'est ça, en fait, qu'il faut arriver à faire. C'est qu'il ne faut pas tirer dessus ou il ne faut pas gratter. Il faut vraiment attendre le plus longtemps possible pour que ça puisse, si on fait juste passer notre main, par exemple, que ça puisse s'enlever automatiquement par soi-même. Le rouge-brun, comme exemple, moi, va souvent évoluer vers le orange avant de disparaître. Je vois déjà un petit peu orange, moi, oui, de mon côté, exactement. Mais... Ben, c'est les parties où ils ont moins séché. Ouais. Et comme je le disais, bien, l'aîné, il y en a certains qui disent qu'il peut y avoir un risque à un certain point où la coloration peut être différente. Sur Pinterest, on va voir, par exemple, de l'aîné blanc ou de l'aîné noir. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, le aîné noir, c'est peut-être celui qui peut être le plus... dangereux, je veux pas nécessairement dire dangereux avec des gros signes, puis danger, mais le aîné lui-même est inoffensif, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est fait avec des choses très très naturelles, mais il y a une teinte à la base de marron ou d'oranger. Donc si vous choisissez de transformer cette fameuse couleur-là, parfois pour renforcer le tout ou pour une occasion spéciale, bien on va améliorer par exemple la fixation sur la peau pour que ça dure plus longtemps. Souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont ajouter à leur mélange de la paraphénylène, diamine, et ça s'appelle du PPD, ce qu'on appelle aussi le aîné noir. Le PPD, en fait, ça peut provoquer des allergies retardées avec apparition. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle le tatouage aîné nocif. Ah, oui. Parce qu'on a transformé la traditionnelle plante pour en avoir une couleur qui va être beaucoup plus foncée. Donc, 15 jours après le tatouage, vous pouvez avoir un eczéma qui va reproduire le motif du dessin traité. Oh non! tracé, oui, mais là, à ce moment-là, c'est que ça va être une allergie. Vous allez vous gratter, vous allez vous passer votre temps à vous tatouer, vous gratter. Et ce qui est plus grave encore, c'est que cette allergie peut quand même conduire à long terme à une hypersensibilisation à vie du PPD, donc, par exemple, du type de tatouage que vous vous êtes faire. Et ça peut vous amener à des troubles de colorants aussi, peu importe ce qui va arriver. Tu sais, exemple, si vous avez un gilet de type coloration qui a déjà été teinté avec du henné, ben vous allez avoir une réaction allergique. Wow, c'est pas le fun. Donc, est-ce que c'est d'arrêter avant les 15 jours, l'enlever après 5? Bien, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se méfier des tatouages au henné qui vont paraître trop noirs et qui vont... allez-y plutôt pour les teintes, justement, marron, orangé, ceux qui semblent beaucoup plus naturels, ceux qui sont faits avec du thé, du café. Allez pas ajouter cette fameuse PPD-là à votre mélange pour que ça soit plus foncé et que vous puissiez tout simplement l'avoir plus longtemps. Au pire, refaites-le faire. C'est ça. T'sais. Non, t'as, c'est ça. C'est un mal pour un bien, je pense. Si tu l'aimes tant que ça pour le refaire plusieurs fois, ben, Colin, fais-toi refaire un vrai tatou, hein? C'est vrai, mais pour vous donner un exemple, l'Agence française de sécurité de santé, là-bas en Europe, fait un rappel à chaque année, avant les vacances, que les dangers des tatouages éphémères à base de henné ou encore l'ajout de colorant noir peut être, selon certains, à l'origine d'effets vraiment indésirables, graves. Donc, il y a un rappel du côté de l'Europe. Ça serait peut-être bien de le faire ici parce que ça s'en vient de plus en plus, comme je le disais. Sinon, on l'a pas vu passer. Non, non, en effet, c'est un petit peu plus plate, mettons. C'est que si vous voulez avoir un beau tatou pendant un certain temps et que vous faites une réaction allergique, ben vous allez le regretter automatiquement. Bon, moi, ça reste pas. J'imagine la marque d'eczéma de pas rester là. T'es pas marqué au fer chaud, là, de disparaître un jour, mais quand même. Non, c'est vrai. C'est sûr que ça disparaît. Là. Est-ce que c'est une mode, le fer chaud? Est-ce que tu peux te faire étamper comme une vache? Ah, je sais pas. Pas de checker ça. Je penserais pas. Je serais pas du genre à vouloir me faire étamper au fer. Je sais pas. OK. Ouais. Je sais qu'il y a du scarring, la cicatrisation. Oui, non, mais ça se fait souvent en prison. Oui, c'est un peu dégueu. Genre une étoile en fente de peau, là, c'est... Non. Il y a eu aussi l'étape où que les gens ils se faisaient... Couper la langue en deux comme un serpent. J'ai connu des gens qui ont fait ça. Je suis sûre qu'ils le regrettent aujourd'hui. Les moustaches molles aussi, c'est là. Moustache molle! Ah, il est pas en onde. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de coloration au henné pour les cheveux ou le textile. Ben, la coloration au henné, c'est une technique qui s'appelle, mettons, green, donc Greenpeace, mettons, et qui fait du bien à vos cheveux, selon plusieurs. Donc, la coloration au henné, c'est une technique de coloration qui a été connue depuis des décennies dans plusieurs pays. Et on se demande, en fait, est-ce que c'est passé de mode? Est-ce que ça peut être un colorant trop prononcé? On pose plusieurs questions. Alors, la coloration au henné, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Bien, c'est une coloration qui a proprement été faite et qui nécessite la présence d'un seul ingrédient, c'est-à-dire le henné naturel, cette fameuse plante-là. Par définition, la coloration au henné va être en fonction de son dosage. Donc, si vous voulez avoir des tons plus orangés ou rouges, et pour obtenir une coloration d'une autre couleur, comme par exemple le châtain ou le brun, bien, on va ajouter à la poudre d'henné naturelle une autre poudre naturelle au pouvoir colorant. Donc ça peut se trouver dans certaines pharmacies. Si vous allez voir votre pharmacie, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Probablement qu'il va y avoir des esthéticiennes qui vont pouvoir vous aider à ce moment-là. Et quelles sont les poudres naturelles pour la coloration au henné, si vous vous posez la question et que vous voulez essayer ça? Eh bien, en fonction de la couleur qu'on veut obtenir, il existe quand même des poudres naturelles qui vont s'associer à de la poudre d'henné, comme je le disais. Pour un noir, il faut par exemple mélanger un peu de henné de Yémen, ce qui est très très intense, à de l'indigo, une poudre d'indigo. Et ça va vous donner par exemple un noir plus bleuté. Si vous voulez un châtain pour réduire la dose d'indigo, vous devez simplement mettre moins d'indigo dans votre mélange, mais ça va être sensiblement les mêmes poudres que vous allez utiliser pour le châtain que pour le noir, mais ça va vraiment y aller avec le dosage. Pardon. Comment est-ce qu'on fait cette fameuse coloration-là? Parce que c'est peut-être pas nécessairement pareil comme une coloration qu'on va se faire à la maison L'Oréal ou, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, ou la coloration au salon de coiffure. Donc, pour faire soi-même sa coloration au henné, c'est quand même assez simple. Il suffit de mélanger la poudre de henné avec la ou les poudres naturelles souhaitées selon la couleur que vous désirez. Par la suite, vous allez mélanger tout ça avec de l'eau chaude, mais pas bouillante. Il faut pas se tromper. Et parce qu'on veut pas nécessairement venir venir confondre les pouvoirs colorants des poudres. Donc, si on bouille le tout, ben, on n'aura plus cette fameuse poudre-là comme elle doit être, tout simplement. Donc, on y va pour une eau chaude, pas bouillante. 24 heures au frigo, puis en cube après ça. Oui, c'est ça. Mais il est préférable d'utiliser une cuillère en bois ou encore en plastique pour effectuer votre mélange. Et le métal, c'est déconseillé pour la teinture ou aînée, là. Mettez pas de cuillère en métal là-dedans parce que ça peut générer une oxydation, puis là, ça va changer la couleur complète de vos cheveux. Alors, je suis pas certaine, ça vous tente. Par la suite, vous allez appliquer la pâte sur l'ensemble de vos cheveux. Mouillé ou pas, ça dépend de comment vous désirez le faire. Et vous allez recouvrir le tout avec un saran wrap, oui. Du plastique transparent. Voilà, merci. Un film de plastique transparent. Et vous allez respecter un temps de pause qui va aller jusqu'à 3 heures en fonction de comment intense vous voulez votre couleur. Ça, il va falloir faire des tests, là. Vous ne saurez pas d'être sûr. Premier. Non, c'est sûr. Ça se peut que votre première coloration à l'aîné, ça ne soit pas la super, la top, là. Mais c'est pas grave, par la suite, vous pouvez le faire quand même assez plus rapidement d'une autre coloration parce que c'est naturel. Donc, la coloration définitive apparaît 3 à 4 jours après l'application, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et si vous voulez une petite astuce, si vous voulez modifier l'intensité de la couleur, vous pouvez fabriquer une préparation maison à base d'eau et à base de bicarbonate de soude que vous allez vaporiser sur les cheveux 30 minutes avant la pose de la pâte. Okay. Donc, ça va ouvrir, en fait, les écailles de vos cheveux. Et ça va permettre une meilleure pénétration des pigments de cette coloration à l'aîné, là. Et par la suite, bien, vous allez rincer avec l'eau et du jus de citron pour refermer les écailles. Donc, l'intensité de votre couleur devrait perdurer. Perdurer plus longtemps. Ça ajoute de la saveur aussi. Oui, mais vous allez sentir un petit peu le citron, c'est pas grave. Moi, j'adore. Mayonnaise et relish. Ouais. Sauce, ouais. Oui, ouais. Si on se demande si c'est mauvais pour les cheveux, la coloration au aîné, mais si vous y allez pour une coloration qui est pure à 100%, comme je viens de vous le décrire, il n'y a aucune contre-indication à cette coloration-là. Contrairement aux rumeurs, il est même possible, si seulement le aîné est pur, de faire une coloration chimique après une application d'aîné. Donc ça, vous pouvez le faire parce que vous allez déjà avoir mis quelque chose d'extrêmement naturel sur vos cheveux. Okay. Donc ça va comme protéger votre cuir chevelu du reste de ce que vous allez mettre sur votre tête. Wow! Voilà! Et ben, Colin, on a appris des choses. Mettons que tu t'es pas... c'était pas aîné dans les renseignements. Oh, aîné. Ouais, hein? C'est pas aîné. On pourrait teindre les cheveux au aîné, Mathieu, qu'est-ce que ça parle? Ouais, c'est... Okay. C'est un défi. Je vais sûrement me faire raser pour la Lucan avant. Non, mais c'est le fun parce que tu sais, il y a des gens qui veulent pas nécessairement se faire teindre les cheveux parce que c'est chimique. Ouais. Si on réussit à mettre la main sur cette fameuse poudre d'aîné naturelle-là, Ça devient le fun. Moi, j'ai comme l'impression que je voudrais l'essayer. Peut-être. C'est la texture que je veux changer mes cheveux. Je trouve qu'ils sont trop ébouriffés de ces temps-ci. Là. Ah! En tout cas, bref, on s'en reparlera. Mais... Ben oui, merci, Tania. Ça fait plaisir. Et Tania Esgalin de Tania, une autre chronique quotidienne dans l'émission de demain et du lundi au jeudi dans Assemblage Rocky. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, on va devoir se quitter pour une autre journée. On remercie Gabriel Béhoud de la chronique dans les coulisses de la litre. Oui. Merci à David Perron pour sa demande spéciale et sa participation derrière moi et non pas à la radio. sur nos ondes plus tard aujourd'hui, et là c'est vrai, 10h, compte à rebours, l'émission de compte traditionnel avec Antoine Lamoureux, ça s'en vient dans moins d'une demi-heure environ. Ensuite, à 13h, l'émission Les Grandes Voix francophones, une nouveauté de l'été qui continue dans une nouvelle case horaire, donc soyez-y. Ensuite, à 14h, Tania, tu vas être de retour pour En piste avec Tania Baudin. Qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui, entre autres? Bien, on va faire le retour sur un petit peu les fins de saison produites dernièrement. On va discuter, entre autres, Formule E. Et on va aussi discuter des dernières tranches de la Coupe de Montréal dans le monde du karting. C'est dans piste avec Tania Baudin à 14h. Moi, je vais de retour à 15h pour le Mathieu Plantefaux. On parle toujours de télé, de choses super geek. Ensuite, à 17h, c'est Audiomatique. Et puis, à 20h, Radio Sonic, CIFO.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. On se quitte avec une nouvelle entrée du palmarès francophone par la formation Chocolat. J'ai envie d'un petit muffin, chocolat caramel, puis un petit yogourt. Un yogourt. Ben oui. Un yogourt à cafétéria. Colin, que c'est bon. Bref, bonne journée à tous. Bonne journée. À demain dès 6h30. Bye bye. T'as pas dit bon café. Bon café. Ouais. La tradition. Ha ha ha.